Bien bonjour chers éditeurs et bienvenue dans votre super revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 7 novembre 2011 et vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, d'Alternative à Montréal et dans le monde. Je me nomme François Marginal, je serai avec vous pour les deux prochaines heures. Alors voilà, donc nous sommes de retour. La semaine passée, on a fait une pause et puis nous revoilà donc. Nous allons parler d'actualité mondiale cette semaine, évidemment d'économie. On va voir un peu ce qui se passe dans ce cas-là. Il va falloir parler de la Libye, on n'aura pas même un choix. Il s'est passé encore des choses assez incroyables là-bas, donc il va falloir parler de la Libye. Et puis, on va parler aussi de Fukushima et du nucléaire. Donc voilà, ça va être ceci pour l'émission. Donc voilà, c'est parti. Nous, on va commencer. Écoutez, il y aurait tellement d'affaires à dire. On va commencer avec les nouvelles générales. Et puis après ça, je pense qu'on va faire une petite virée sur la Libye avant d'aller à la pause musicale. Donc écoutez, dans les nouvelles de la semaine, en fait, je vais couvrir la semaine passée puis l'autre d'avant. Et donc, il y a des nouvelles là, qui datent de quelques jours et d'autres de plus d'une semaine. Ça faisait quelques émissions que je vous en parlais. C'est cette semaine, le 9 novembre, donc mercredi, que le FEMA, la Federal Emergency Management Agency, c'est une agence là, des services d'urgence là, quand il y a des tremblements de terre, des tornades, des trucs du genre. Et puis qui a des budgets noirs, des black budgets assez impressionnants et qui aussi donc sont impliqués dans la maintenance de l'ordre lors d'événements quelconques, que ce soit d'urgence, que ce soit un soulèvement social, une crise économique, une guerre biologique, peu importe. Donc le FEMA qui a des pouvoirs quand même très très importants ont le pouvoir, s'il y a un ordre exécutif du président d'une urgence nationale qui est signé, de saisir tous les moyens de communication, de transport, etc., etc. Donc écoutez, cette semaine, ce mercredi, ils vont conduire un test d'alarme, donc un système d'alerte qu'ils ont. Et puis, ils vont tester ce système-là pendant 30 secondes. Et puis ça va se produire sur toutes les radios, les télévisions, câbles, satellites et les vidéos-services aussi par câble. Donc, c'est assez incroyable. On dit que les téléphones et puis les téléphones cellulaires ne devraient pas être inclus dans ceux-ci. Par contre, certains téléphones cellulaires pourraient être inclus. Alors, donc voilà. On se prépare à, je vous dirais, officiellement, c'est un test là, pour tester des systèmes d'alarme qu'ils ont, d'alerte en fait. Mais vous devez comprendre que, évidemment, il y a des agendas derrière ça. On est en train de s'assurer qu'on peut avoir la switch aux États-Unis, l'interrupteur pour mettre tous les systèmes de télécommunications sous contrôle de cette agence gouvernementale fédérale américaine. Donc, on va se donner le pouvoir en cas de soulèvement social. Ou d'un peu ce qui se passe un peu comme en Grèce, c'est-à-dire pas une guerre civile, mais une guerre du peuple versus le gouvernement et puis l'élite financière, d'avoir la possibilité à ce moment-là, on a vu un peu comment ces mouvements-là s'organisent avec l'Internet et puis les télécommunications, Twitter, ainsi de suite. Alors on va s'assurer d'avoir le contrôle sur tous les moyens de télécommunication électronique, donc le pouvoir d'apprendre contrôle de tous ces systèmes-là, donc imaginez. Ensuite, ça c'est tout chaud, ça s'est produit hier et puis toute la journée de dimanche, on a eu un tremblement de terre de magnitude de 5,6 à Oklahoma City. Ça c'est en fait dans la soirée de samedi soir, samedi dans la nuit. C'est en fait un tremblement de terre le plus important de l'histoire de cette ville à Oklahoma. Et puis après ça, bon, ce tremblement de terre-là a été senti jusqu'au Texas, au Kansas, au Missouri, puis en Arkansas. Ensuite, dans la journée de dimanche, eh bien, on a eu 15 tremblements de terre qui ont suivi, donc dans les 24 heures qui ont suivi, de l'ordre de 3 et plus jusqu'à 4 et 5,6 de magnitude. Donc là, le sol bouge de façon quand même assez importante dans cette région. Ensuite aussi, au niveau du climat, ensuite, vous avez sûrement entendu parler des tempêtes de neige très précoces aux États-Unis qui ont frappé les États-Unis la semaine passée. On a eu de 15 jusqu'à 30 cm de neige qui sont tombés, donc très précoce dans les régions du nord-est des États-Unis. Donc, on a même des États qui ont déclaré l'état d'urgence, comme au New Jersey, au Massachusetts, puis au Connecticut, et aussi dans des larges parties de l'État de New York. Alors, donc voilà. On n'a pas vu ça. En fait, c'est la quatrième fois depuis la guerre civile il y a 150 ans aux États-Unis, que ça se produit dans ces régions-là pour une tempête de neige aussi importante. Donc, écoutez, c'est quand même assez important comme truc, là. Ça s'est passé à 3 reprises dans le passé depuis 1869. Donc, voilà. Pardon. Ensuite, ben écoutez, vous avez 80% de l'Australie qui est sous les températures normales depuis les 12 derniers mois. Ensuite, on attend en fait les derniers jours. Ça s'était attendu pour les jours précédents et puis ça pourrait en fait se poursuivre jusqu'au mois de décembre où on prévoit des températures sibériennes en Grande-Bretagne, en Angleterre. La température qui pourrait descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius, alors ce qui est très anormal. Donc, on attend aussi des tempêtes de neige assez importantes. Donc, voilà, du réchauffement climatique. Alors, vous savez que le réchauffement climatique, ça cause un refroidissement climatique, évidemment. Donc, hein, le haut et le bas, et puis blanc, c'est noir. Donc, voilà. Ensuite, vous avez eu des pertes de courant assez importantes qui pourraient durer plusieurs journées dans la tempête dont je vous parlais aux États-Unis. Donc, ça s'est passé la semaine passée. Donc, évidemment, je vous lis la nouvelle comme c'était au présent, là, mais probablement que ces cas de perte d'électricité se sont résorbés à l'heure qu'il est, mais vous avez des millions de maisonnées qui ont perdu le courant. Donc, voilà. Ensuite, ben, vous avez différentes nouvelles ici qui parlent justement du Climate Gate, alors la fin du Climate Gate, et puis de toute cette histoire, cette fausse hystérie-là, du réchauffement climatique causé par l'homme. Alors, vous avez différentes histoires à aller voir sur cela. Donc, voilà pour ça. Ensuite, une autre nouvelle, ben, vous avez entendu, on a timé ça, écouté la journée de l'Halloween, c'est incroyable, pour essayer de faire peur au monde. Bouh! On a annoncé officiellement le 31 octobre qu'on a officiellement atteint le 7 milliards de personnes d'habitants sur cette planète. Donc, écoutez, ça c'est un peu lié avec l'histoire du réchauffement climatique qui était intimement lié avec cette histoire de dépopulation mondiale. On essaie de défrayer toute la planète avec ça en disant qu'oh, on est beaucoup trop d'humains, comment qu'on peut arriver à vivre tant de personnes que ça. Alors que quand on regarde dans la tête de l'élite mondiale, autant les banquiers internationaux que les clubs comme les Bilderberg et puis vous avez la commission trilatérale, vous avez les riches qui s'étaient réunis aussi il y a 2 ans, dont les Bill Gates et puis d'autres riches comme ça, comme Ted Turner aux États-Unis, vous avez les Rockefeller, Maurice Strong, tous ces gens-là, Al Gore, investissent énormément d'argent et puis sont tous liés par une commune idéologie qui est l'eugénisme négatif, c'est-à-dire de réduction de la population forcée. Alors, ces gens-là ont pour idée de réduire la population mondiale à 500 millions. Donc, ce n'est pas, chers auditeurs, un problème de transmission de la radio, vous avez bien entendu. Et puis, ceci est largement documenté dans un tas de documents, dont la même affaire aussi avec les gens qui sont derrière les sommets de la Terre, où on a établi l'agenda 21 et puis toutes sortes de plans justement de contrôle social comme ça et de la population, contrôle des naissances, et puis vous voyez ça mis en place dans plus en plus de pays. Alors voilà, donc on essaye de vous épeurer avec ça en la journée de l'Halloween, c'est incroyable. Et puis en réalité, vous devez comprendre que la population entière de la planète pourrait vivre dans un espace comme la grandeur de l'État du Texas, et puis avoir une maison, et puis avoir une cour pour faire avec un jardin pour faire pousser sa propre nourriture. Donc, ce n'est pas un problème de quantité d'êtres humains qu'on a. De toute façon, on a remarqué avec toutes les statistiques au niveau mondial, avec où on mesure les taux de la qualité de la vie et puis de la santé des habitants, puis on remarque que plus un pays se développe et plus s'enrichit, plus les naissances baissent. Alors, vous voyez, il y a un mécanisme naturel de mise en équilibre de tout ça. Donc, on sait que la population se stabiliserait naturellement. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est évidemment un problème de répartition des richesses. Alors, vous avez une élite mondiale qui aimerait bien garder toute la planète entière et puis ses richesses pour elle-même et puis avoir une petite communauté d'esclaves de 500 millions d'habitants et puis retourner au temps féodaux, quoi. Donc, c'est réellement ce à quoi on fait face. Et puis, ça va être un peu le thème au complet de l'émission. Vous allez voir ça. Écoutez, le visage de la bête se présente de façon de plus en plus claire devant nous. L'ennemi, je pense, commence à relever la visière de plus en plus, puis on peut lui voir les yeux. Vous avez une élite mondiale, c'est pas une question de conspiration encore là ou de folie là. Je veux dire, on fait clairement face à une bête, un ennemi qui s'appelle l'élite mondiale, qui sont les banquiers internationaux, et puis l'élite mondiale, comme je vous dis, qui s'est concentrée dans la cité de Londres et puis de Wall Street et les grands centres, aussi à Tel Aviv et ainsi de suite. Je crois que c'est assez clair, les Islandais qui ont voté à 95% pour ne pas rembourser les banquiers privés qui, clairement, ont pris l'argent des habitants, de la population, du peuple, et puis ont fait du gros gambling. On a joué avec cet argent-là, puis qu'on l'a perdu, ben là, on s'est retourné de bord, puis on a dit à ces populations-là qu'il va falloir instaurer des mesures d'austérité, que les gens serrent la ceinture et puis remboursent les pertes des banquiers privés qui, finalement, impriment l'argent comme de l'eau et puis nous le chargent avec intérêt. Un système qui est basé sur la dette. Donc, on voit aussi maintenant le peuple grec. Vous allez voir dans les nouvelles de l'actualité, le peuple grec qui se révolte. Je ne sais pas si vous avez vu des images qui sortent de la Grèce, parce que c'est pas dans les médias de masse qu'on vous les montre, ces images-là, malheureusement. On essaie de vous cacher la réalité. Il y a une guerre en Grèce. Il y a une guerre, chers auditeurs. Le peuple est en guerre contre l'élite. Les politiciens puis les élites financières en Grèce ont peur de sortir dans les rues pour se faire pendre après les poteaux d'électricité. Okay? Vous avez carrément le peuple qui se bat contre les forces de la police qui est engagé par le régime en place pour défendre finalement l'élite et non défendre le peuple. Okay? Dans de plus en plus de pays, on comprend qui est l'ennemi. Vous avez cette élite financière qui prend possession de des pays entiers, et puis lorsque ces pays-là tentent de se sortir de ce joug financier, de ce système bancaire basé sur la dette, système fractionnaire bancaire, contrôlé par des banquiers privés, internationaux, eh bien, ce qui arrive, c'est que le pays se fait ravager puis se fait ramener à l'âge de pierre. Et puis, l'exemple le plus récent de ça, ben, c'est la Libye. OK? On vous raconte des niaiseries, des mensonges incroyables, même ici à la radio, au Québec. Probablement la même affaire en France. Je sais qu'on a plusieurs auditeurs en France, le continent européen, aussi en Belgique, Afrique du Nord. Bonjour à vous, en passant. Écoutez, on ne nous rapporte pas la vérité. On est rentré dans le tas en Libye, pas parce qu'on voulait libérer le peuple, pas parce qu'on voulait protéger la population. Vous avez des nouvelles qui sortent de plus en plus de jour en jour, et puis on commence à comprendre l'étendue des dégâts. On a des images de Sirte en 2007, et puis ce que l'air Sirte aujourd'hui, la ville natale de Kadhafi, qu'on a bombardé, qu'on a détruit au complet. C'est incroyable. Allez voir les photos, allez voir les vidéos, chers auditeurs. Attendez pas que les médias vous servent. Il faut aller voir les nouvelles sur Internet, aller voir les médias qui osent vous rapporter les images et puis qui ne sont malheureusement pas rapportées par les grands médias, surtout des médias occidentaux ici en Amérique du Nord et puis en Europe. Allez voir les photos, allez voir les vidéos. La ville est complètement ravagée. Si on voulait protéger la population, je veux dire, je vois pas comment on peut la protéger en bombardant, en détruisant les villes au complet, les infrastructures, les aqueducs d'eau potable. Comment qu'on peut les protéger en lançant des bombes à l'uranium appauvri radioactif? OK? Je vois pas comment qu'on peut faire ça. On commence à découvrir des fosses de civils qui ont été tués par les bombardements de l'OTAN. Alors qu'on essaie de sortir des nouvelles bidons. Je disais, j'entendais un animateur radio sur une chaîne ici que je n'aimerais pas, qui durant la nuit commençait à nous déblatérer que on avait supposément des nouvelles qui disaient qu'on avait trouvé des dépôts d'armes chimiques de Muammar Kadhafi. Ces nouvelles-là, chers auditeurs, ils proviennent des mêmes médias puis des mêmes sources de gens qui vous disaient que Saddam Hussein avait des bombes nucléaire ou à chercher à s'en procurer, à en produire, et qui avait des armes chimiques de destruction massive. OK? C'est ces mêmes gens-là qui, après qu'on ait envahi l'Irak, nous ont finalement candidement avoué que, bon, finalement, grosso modo, ils savaient que depuis le départ, ils n'avaient pas, ils avaient menti. C'est ces mêmes gens-là qui vous disent que Kadhafi, c'est le grand Satan. Celui qui opprimait son peuple, qui voulait le détruire, qui est un dictateur, un sanglant dictateur. Écoutez, je suis pas en train de vous dire que Kadhafi, c'est un enfant de cœur. Là, si on essaye de dire ce que Kadhafi a fait, moindrement que ça soit positif, là, on vous accuse de défendre Kadhafi, le dictateur, pour vous dire, oh non, là, vous commencerez pas à dire des bonnes affaires de Kadhafi sur les ondes. Ben, voyons donc, là, je dirais, on s'est entendu que la version officielle, là, c'est Kadhafi, c'est un sanglant dictateur. Ben, voyons donc, on n'est même plus capable de penser par soi-même. Ah oui, Kadhafi, il torturait du monde. Il torturait du monde. Kadhafi collaborait aussi avec les pays occidentaux pour torturer du monde. Saviez-vous ça? Kadhafi a fait des coups qui étaient peut-être pas nécessairement bons. C'était pas un enfant de cœur, mais voyons aussi la réalité en face. Je veux dire, Kadhafi avait aussi fait de son pays la nation la plus riche d'Afrique, OK? Pas juste l'État. Non, en fait, en Libye, on avait un taux d'éducation des plus élevés de l'Afrique, OK? C'est gratuit pour les étudiants en Afrique. Si vous voulez emprunter de l'argent à la banque, il n'y avait pas d'intérêt en Libye. La Libye n'avait aucune dette extérieure qu'il devait. Ah, regardons ça, c'est bien spécial pareil. Kadhafi avait mis en place le plus gros réseau d'aqueducs, d'acheminement d'eau potable vers les villes, le plus grand projet d'eau comme ça au monde. Ah ben, regardons ça. Kadhafi avait décidé de payer un satellite à l'Afrique entière pour que l'Afrique cesse de payer 500 millions de dollars à l'Europe pour pouvoir avoir des services Internet, des services satellites. Ah, c'est spécial. Ah, c'est spécial qu'ils vous disent pas dans les médias que Kadhafi aussi est en train d'être l'acteur principal derrière la mise en place d'une banque centrale africaine indépendante des banquiers internationaux des centres de Londres et puis de Wall Street, d'instaurer le dinar or basé sur des vrais métaux précieux, une monnaie qui avait une vraie valeur intrinsèque, pas une monnaie basée sur la dette. Pas une monnaie qui, dès qu'il rentre en circulation, il y a plus d'argent qui est dû qu'en existe, comme dans toute nos sociétés, qui est mise en place par ces banquiers internationaux, qui, dès qu'ils sont arrivés en Afghanistan, puis en Irak, ont changé toute la monnaie du système de la Banque centrale, OK? Ont mis en place leur monnaie, et puis zap, on contrôle économiquement ces pays-là. Kadhafi est en train de vouloir mettre en place un système économique complètement indépendant de ce système des banquiers internationaux basé sur la dette, système fractionnaire bancaire qui est en train de ruiner tous nos pays. Vous allez voir dans les nouvelles de l'actualité, l'Italie est à genoux, est en train de tomber à terre. La Grèce, c'est la même affaire. C'est pareil dans tous nos pays. Mais là, dès que vous vous opposez à ça, que vous essayez de sortir de ce système-là, zap, on vous rentre dedans. Non seulement on vous rentre dedans, mais on détruit le pays, on le ramène à l'âge de pierre, puis on met en place des gens qui sont complètement infiltrés de terroristes de l'Al-Qaïda. Hein, ce conseil transitionnel national, peu importe comment qu'on l'appelle, là, c'est terroriste. Pourquoi je dis c'est terroriste? Est-ce que c'est gratuit cette appellation-là? Non, c'est pas gratuit. Vous allez voir dans les liens que je vais vous mettre comme à chaque semaine sur l'autre monde. Un paquet de nouvelles qui sortent où on voit que ces fameux rebelles que l'OTAN, les États-Unis supportent, à qui on a permis d'ouvrir des ambassades dans nos pays, qu'on a reconnu comme étant l'autorité officielle de la Libye, sont des gens qui sont liés avec des compagnies pétrolières, sont des gens qui sont proches des services secrets de la CIA, des gens qui ont dans les groupes des terroristes, des gens qui ont abattu, qui ont tiré sur des troupes américaines en Irak et en Afghanistan, ben ouais. Des grosses brutes à la barbe mal rasées qui puent, qui sont armées pour supposément descendre Kadhafi. Ces gens-là, des grosses brutes, là. Vous avez vu toutes les images, OK? Des grosses brutes, des balles, puis tout. Ces gens-là, une semaine après que Kadhafi soit tombé, là, sont avec une charte d'une banque centrale. Est-ce que ça vous prend souvent, vous autres, l'envie de décrire une charte d'une banque centrale d'un pays un week-end? Trouvez pas ça un peu louche? Claire, il arrive là, on crée une banque centrale, boum! Les rebelles gros armés de l'OTAN comme ça, on instaure une banque centrale. Ben oui, mesdames et messieurs, les projets du dinar or, après ça, sont rangés de côté, on n'en parle plus. Mais Kadhafi, c'est un sanglant dictateur. Comment que les États-Unis puis l'OTAN, mais parlons des États-Unis dans ce cas-ci, peut s'instaurer comme un juge moral, policier international, quand ils torturent eux autres, même des personnes à Guantanamo? Quand eux autres même ont tué plus d'un million d'Irakiens depuis 2003, créé plus de 4 millions de réfugiés en Irak. Comment que ces gens-là peuvent s'instaurer comme étant des juges moraux puis accuser Kadhafi de quoi que ce soit quand ces gens-là, eux autres, occupent militairement d'autres pays? Quand c'est eux autres qui ont lancé deux bombes atomiques sur le Japon. Voyons! C'est quoi ces niaiseries-là? Là, on a des nouvelles qui sortent là depuis quelques jours. Là, on a appris des bonnes. On a appris que Hillary Clinton savait apparemment qu'il y avait un convoi qui était pour sortir de Sirte qui contenait Muammar Kadhafi. Donc, on lui a donné le droit de passer avec drapeau blanc pis tout. L'OTAN finalement lui a tendu un piège. On dit ben oui, tu peux sortir règle d'engagement de guerre. On n'a pas le droit de tuer comme ça un leader d'un pays étranger, mais ça, on se fout carrément de tous les accords de Genève, les lois d'engagement international, militaire, peu importe, là. Je veux dire, il n'y a plus de loi internationale. C'est le free for all, on est en train de retourner aux temps médiévaux. Je vous dis, on tourne aux temps féodaux. On arrive là, on dit, ben oui, passe, claque. Là, ils savaient qu'ils se poussaient, ils savaient qu'ils étaient là dans ce convoi-là. Vous avez, zoom, les avions de l'OTAN qui arrivent, bombardent le convoi, ça le stoppe là. Les forces rebelles, à ce moment-là, peuvent arriver tranquillement. Ils pognent Kadhafi. Donc, premièrement, c'est qu'on savait que Kadhafi passait, puis là, finalement, écoute, on a complètement anéanti toutes les règles d'engagement militaire, les lois internationales. On a bombardé le convoi de Kadhafi. Après ça, on a laissé les rebelles le capturer. On l'a traîné dans les rues, puis tout. Là, on est en train d'apprendre qu'ils l'ont sodomisé. Sodomisé, vous avez bien entendu, avec une barre, une grosse pôle d'acier, direct dans le cul. Bang! Merci beaucoup, avant de l'exécuter. Ce passé barbare, ça là, pour vous autres, là, c'est quoi ça? C'est ça que vous parlez, libérer un pays? C'est comme ça que l'OTAN... C'est quoi ça, l'OTAN? C'est quoi ça, les États-Unis, puis la Grande-Bretagne, puis la France, puis le Canada, puis toute la gang de trollés de pays qui se sont mis ensemble? Ça se dit être les défenseurs de la démocratie, de la liberté dans le monde. On pogne des leaders étrangers, puis on leur fait subir des traitements comme ça. On est derrière l'OTAN, complètement conscient de ce qui se passe. On supporte les rebelles, puis tout, puis exécution sommaire comme ça d'un dirigeant d'un pays étranger. Pouvez-vous imaginer, je sais pas, moi... Merkel, OK, de l'Allemagne, qui envoie des troupes, on bombarde la France ou la Grande-Bretagne, et puis on pogne Sarkozy ou ben non Cameron, et puis on l'exécute, on le sodomise avec une barre d'acier dans le derrière, puis après ça, on l'exécute sur la place publique. Imaginez-vous si, les Palestiniens arrivaient en Israël, puis on pognait Netanyahou, puis on y faisait le même traitement. Imaginez-vous ce qui se passerait? Imaginez-vous si Harper, ici, il envoyait des avions, puis on pognait Obama, puis on le sodomisait avec une pôle d'acier dans le cul, puis après ça, on tire une balle dans la tête. Pensez-vous, à un moment donné, qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre qui se passe, esprit complètement barbare, complètement hors de contrôle, aucun sens total, complètement injustifiable? Ben, c'est ça, dans le monde dans lequel on vit, chers auditeurs, c'est ça qui se passe. On était là, supposément en Libye, pour sauver des vies. Wow, quel échec catastrophique. Des évidences qui sont trouvées que des forces pro-OTAN ont commis des massacres à Sirte et puis dans d'autres villes, et puis on commet des exactions comme ça, des exécutions sommaires un peu partout à travers la Libye maintenant. Les forces rebelles qui sont en place maintenant, qui sont reconnues comme étant les autorités par l'OTAN et puis par nos pays occidentaux, sont en train de commettre un nettoyage ethnique des Noirs qui sont en Libye. Fantastique, c'est vraiment super. Wow! On a des photos qui commencent à sortir. Là, on voit des fosses là, avec un paquet de civils enterrés là. Puis ça, c'est des Libyens qui ont été libérés par les forces supportées par l'OTAN. Hey, c'est super! Mais par contre, si vous parlez de ça, si on ose dire de quoi de positif par rapport à Kadhafi... Ah ben là, hey, on dit, ben voyons donc, comment ça se fait que vous portez un dictateur pis tout? Ouais, mais on est quoi, nous autres? On est quoi? On se trouve à avoir un massacre programmé de la famille Kadhafi. On est en train de toutes les éliminer, ces gens-là, ils en savent trop. Pouf, il faut les éliminer. Des nouvelles troublantes comme ça qui sortent, évidemment que vous avez eu plusieurs nations qui ont protesté, qui se sont dit, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé là en Libye? Le règne de la loi est complètement ignoré. Je veux dire, on assiste à des exactions extrajudiciaires de leaders internationaux, de leaders de pays étrangers. OK? C'est complètement débile, là. C'est une grave brèche là c'est la troisième convention de Genève sur les prisonniers de guerre de 1949 dont la France et puis les États-Unis font partie. OK? Et puis ça ne fait pas aucune différence à savoir peu importe comment qu'on aime ou on n'aime pas un prisonnier de guerre, c'est un prisonnier de guerre. On a toutes les obligations, selon ces traités-là, de juger cette personne-là, de l'arrêter, puis de la punir dans des cours, pas de la battre d'une balle d'une tête après l'avoir sodomisé avec une barre d'acier. OK? On parle d'un meurtre gratuit, brutal, barbare. Voilà le nouvel ordre. Le nouvel ordre mondial qui est en train de vous envoyer un signe très clair. Un signe très clair. Si vous touchez à notre système... Si vous essayez de vous libérer de nous, on va vous rentrer dedans. Puis, chers auditeurs, de grâce, ne soyez pas dupes. Si vous pensez que ce qui se passe en Libye, en Afghanistan, en Irak, en Somalie, au Yémen, au Pakistan, ne vous concerne pas, que ça vous arriverait pas dans votre pays, parce que nous, on habite dans des pays occidentaux, des pays civilisés, des pays riches, des pays développés, etc., etc., détrompez-vous. S'ils font ça à la Libye, ils vont le faire à n'importe qui, n'importe quel pays, n'importe quelle nation. Ils sont en train de mettre la Grèce à genoux en ce moment. M'entendez-vous, là? Ils sont en train de mettre la Grèce à genoux. C'est une guerre contre le peuple. Ils sont en train de vider les fonds de pension, de sacrer les gens à terre, de sortir de leur maison. Les gens perdent leur maison, perdent leur emploi, perdent leur futur, perdent leur... Ils perdent tout. Ils sont en train de ruiner ces gens-là. Des terroristes financiers. Ces gens-là ne jouent pas des jeux. Ils ne jouent pas des jeux. Ils sont prêts à tout. À vous ruiner jusqu'à vous bombarder puis vous faire pleuvoir des bombes à uranium appauvri, ça à noix. Ils ne jouent pas de jeux. Si vous avez un leader comme Kadhafi qui est prêt à instaurer une monnaie qui va être complètement indépendante du système bancaire, des banquiers internationaux, des banquiers privés internationaux, on va te rentrer dedans. On va rentrer dans le pays, on va te faire souffrir. On va bombarder ta population, on va détruire les ponts, les infrastructures, les écoles, parce que c'est ça qu'ils ont fait en Libye, OK? Tuer entre 30 000 et 50 000 civils. Hey, c'est humanitaire, ça. Hey, on protège la population en salle, hein? Puis, on va ramener des villes à l'âge de pierre. On va toute la détruire. Allez voir les photos de Sirte avant-après. Allez-y voir. Allez voir les photos de Tripoli que ça a l'air. Vous croyez pas ça? Prenez un billet d'avion, allez voir. C'est ça. C'est comme ça que ça se gère. C'est comme ça. C'est à ça qu'on fait face. Si vous pensez que ce qui se passe en Libye maintenant ne vous affecte pas, réveillez-vous, là. On est tous des Libyens. On est tous des Palestiniens. On est tous des Afghans. On est tous des Irakiens. On est tous des Pakistanais. On est tous des Somaliens. On est tous des Yéménis. On est tous des Africains. Là, l'humanité est en train de réaliser qu'on a un sérieux problème. Puis, il y a une bonne fraction d'humanité quand vous parlez d'un mouvement Occupy Wall Street qui est dans plus de 83 pays, 1500 villes. Quand vous voyez que simultanément, autant aux États-Unis qu'en Europe, qu'ici au Québec, au Canada, à Vancouver, puis ici au Québec, vous voyez de plus en plus les autorités qui, là, commencent à taper du pied, commencent à devenir pas mal nerveuses avec ces occupations de Wall Street, là. Ils commencent à sentir la soupe chaude, puis le peuple commence à en avoir pas mal marre, puis elle commence à réaliser que c'est pas une question de tel parti politique ou tel autre, droite, gauche, républicain, démocrate. Ça n'a rien à voir, conservateur, libéral, peu importe ce que vos partis politiques sont, les gens réalisent que c'est pas ça le problème. Réalisent c'est quoi le cœur du problème, c'est qui le cœur de l'ennemi en réalité. C'est ce système financier basé sur la dette qui, dès qu'il entre en fonction, il y a plus d'argent qui est dû qu'il en existe. Ils veulent passer 130 milliards de dollars à la Grèce. En fait, c'est d'euros. Mais ils vont demander quasiment le double en intérêt. Des mesures d'austérité qui vont égorger le peuple au complet. Mais cet argent-là, il n'existait pas, là. Ils arrivent, zap, ils impriment ça dans l'ordinateur. Puis là, les gens, il faut qu'ils remboursent le 130 milliards d'euros plus les intérêts. C'est quoi cette affaire-là? Fait que là, les gens commencent à se révolter, à se poser des questions. Coutons, ces banques centrales-là, c'est quoi cette histoire-là? Comment les gens comprennent que c'est les banques centrales contrôlées par les banquiers privés, alors que les banques centrales devaient être contrôlées par le peuple? C'est nous qui devrions imprimer notre propre argent, basé sur de quoi qui est tangible. Et non, on laissait ça dans les mains de quelques individus, comme c'était des sociétés privées, comme des compagnies. La Fed, c'est une compagnie. Comprenez-vous ça? Comprenez-vous que l'IRS aux États-Unis, qui est l'agence de collection des impôts, là, c'est une compagnie privée? Êtes-vous conscient, c'est une corporation, une compagnie. Nos gouvernements sont enregistrés sur Wall Street comme des compagnies. Là, vous avez des pays qui s'endettent, qui s'endettent, qui s'endettent, qui s'endettent. C'est quoi la garantie? Quand vous allez acheter une maison, c'est quoi la garantie? C'est la maison, la garantie. La banque va saisir la maison si vous ne payez pas. Le pays, lui, quand il ne paye pas, là, c'est-à-dire quand il veut emprunter de l'argent aux banquiers privés, c'est quoi la garantie qu'il donne? C'est vous, c'est votre labeur. C'est votre travail. Ils garantissent que la population va travailler comme des bons petits esclaves pendant des décennies pour rembourser de façon complètement aveugle et obéissante ces banquiers privés-là qui n'avaient pas l'argent, qu'ils créent de nulle part, ex nihilo, qui nous prêtent à intérêt. Ah oui, ils vont payer, ils vont passer 130 millions d'euros à la Grèce. Mais il va falloir qu'ils remboursent ce 130 milliards-là, plus les intérêts. Ils vont le prendre où, les intérêts? Vous avez un bateau avec 11 trous dedans, mais il y a juste 10 bouchons. Alors même que vous preniez un bouchon à gauche, vous le mettiez dans l'autre, il y a tout le temps un trou, là. Donc là, on est en face d'un ennemi commun, un ennemi qui n'hésite pas à prendre tous les moyens pour consolider son pouvoir, puis partir avec le dernier morceau qui reste, puis après ça, nous mettre sa grosse botte tyrannique d'en face. Puis si vous pensez que ce qui se passe en Libye ne vous concerne pas, ben réveillez-vous, parce que ça vous concerne directement, parce que là, il est temps que l'humanité se réveille, puis qu'on soit tous unis, puis qu'on passe à d'autres choses. Élevons notre conscience. Passons à une autre phase de l'humanité. Cessons d'être des esclaves, aveugles et imbéciles. Réellement, ça suffit. Puis c'est de ça que l'élite a peur. Donc là, c'est ça le point que j'arrivais à en faire. C'est que là, vous avez, évidemment, tous les gouvernements, les maires des villes, tout le monde commence à capoter. Il va falloir arrêter ce mouvement-là. Là, les gens commencent à... Les gens de l'élite là commencent à sentir la soupe chaude. Ils savent que là, ça m'en est le peuple que s'ils arrêtent pas ça, là, à un moment donné, ils vont finir en prison ou ben non, sur le bout d'une corde en haut d'un lampadaire. Les gens du Parlement grec ont littéralement peur de sortir dans la rue. On peur du peuple. Ça, c'est bon. Quand le gouvernement a peur du peuple, c'est la liberté. Quand le peuple a peur du gouvernement, c'est la tyrannie. OK? Fait que là, on veut écraser ce mouvement-là. Puis là, ben, vous allez voir dans les nouvelles que je vous laissais cette semaine, un paquet de nouvelles. Là, je crois que c'était à Oklahoma, où vous avez carrément la police qui est rentrée dans le tas. Vous avez eu plus de 100 000 personnes qui ont marché, OK, ensemble, pour protester, pour dénoncer ce système économique, cette folie, ces fous de Wall Street, les millionnaires qui accaparent, écoutez, 39%, les millionnaires qui contrôlent 39% de la richesse globale mondiale. OK? Et puis là, ben, vous avez la police qui rentre dans le tas. Vous avez même des anciens vétérans. Un gars s'est fait fracturer à la face. Et puis là, des gens ont voulu y porter secours. La police qui lance des bombes à flash. Pff! Écoutez, c'est en train de virer assez chaud là, aux États-Unis puis un peu partout à travers le monde. Donc là, ça rentre dans le tas. Ça matraque la population un peu partout en Grèce. C'est la même affaire. Vous avez des syndicats qui sont en train de planifier des grèves générales partout en Grèce pour protester contre les plans d'austérité. Donc je vous dis, c'est ça qu'on est en train d'assister. Puis là, ben là, tout d'un coup, mercredi, vous avez aux États-Unis le FEMA qui teste son système pour contrôler toute la grille des télécommunications, radio, télévision, câble, nommez-le. Voyez toutes les préparations qui sont en train de se faire, puis là, clac, vous allez voir dans les autres nouvelles du Moyen-Orient, tabouin. Là, ça chauffe depuis les deux dernières semaines. Tous les préparatifs se font, les exercices militaires dans le Golfe Persique, Obama qui envoie des flottes additionnelles dans le Golfe Persique. Vous avez l'Irak. Écoutez, vous avez le deadline en Irak. Les troupes américaines doivent sortir de l'Irak au mois de décembre. Donc là, écoutez, là, l'Irak a refusé de donner l'immunité juridique aux soldats passés ce deadline-là au mois de décembre. Donc là, écoutez, les États-Unis se sont un peu comme résignés à sortir. Sauf que d'un autre côté, vous avez le Pentagone qui a annoncé qu'à ce moment-là, ils vont porter la guerre underground en Irak. Donc, elle va quand même continuer, mais elle va être plus underground, menée par des unités secrètes spéciales de la CIA, puis bon, de l'armée américaine. Donc, vous voyez, on va quand même garder des troupes sur place. Et puis, c'est une occupation militaire qui ne va pas se terminer. Sauf que là, vous avez Israël qui panique, qui regarde ça. Oh non, les troupes américaines vont sortir d'Irak. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, nous autres... Wow, écoutez, là, on a besoin d'attaquer l'Afghanistan le plus vite possible avant que les types G.I. Joe américains se poussent de là. Fait que là, vous avez des roulements de tambour incroyables pour la guerre contre l'Iran. Les Bunker Busters ont été livrés, tout est préparé. Vous avez Netanyahou qui est en train de faire des crises d'hystérie partout dans les médias en disant que là, il faut attaquer l'Iran, il faut attaquer l'Iran, on va attaquer l'Iran, il se prépare, l'exercice militaire. Vous avez l'IDF, le Tsahal, qui a même, on a publié des nouvelles dans les médias traditionnels, les grands médias, comme quoi que là, il était prêt, tous les plans militaires, tous les exercices, tout est fin prêt. On est prêt à attaquer l'Iran. On est prêt à attaquer l'Iran, comprenez-vous, là, chers auditeurs? Là, vous avez l'élite mondiale qui est en train de paniquer, voit ce mouvement d'humanité qui est en train de prendre conscience. Comme je vous dis, il faut passer à la prochaine vague. Puis là, c'est ça qu'ils voient. Puis là, mon Dieu, ils capotent. Oh non, non, non, l'humanité, tous les peuples en train de se réveiller, en train de s'unir contre nous autres. Ils commencent à halluciner, eux autres, là. Fait que là, c'est temps de... Wow! OK, il faut changer. Il faut changer... il faut changer la scène international, là, il faut complètement changer la tension. Il faut partir en guerre. Écoutez, vous avez plus de 100 000 personnes qui ont manifesté même à Tel Aviv. Netanyahou, il est très, très, très nerveux. Il est pas très confortable, là. Les Israéliens, là, sont ben, ben tannés de vivre dans la misère aussi, là. Ils sont en train de réaliser que la majorité de l'argent va tout le temps dans l'armée, tout le temps en train d'écraser les Palestiniens. Finalement, ils s'en vont partout, mais vous avez la majorité de la masse, de la classe moyenne, en Israël, qui a bien de la misère à arriver, bien de la misère. Ils sont tannés, ça fait des semaines qu'ils protestent. Et Netanyahou, il est pas content. OK? Vous avez des gens, des anciens du Mossad, j'ai oublié son nom, Moshe Dayan, je pense, c'est son nom, en tout cas, qui est sorti dans les médias, qui dit, là, Netanyahou veut attaquer l'Iran. Écoutez, c'est un gars du Mossad, il était à la tête du Mossad. C'est pas un con, là, je veux dire, il raconte dans les médias que Netanyahou veut attaquer l'Iran et puis que ça serait une erreur. Imaginez, vous avez même des personnes qui sont normalement sont bien avancées dans l'idéologie sioniste et tout, qui réalisent un peu là l'horreur de ce qui est en train de se préparer. Vous avez les États-Unis qui ont demandé à Israël de ne pas faire d'attaque surprise. Israël qui refuse de se commettre à toute promesse de ne pas faire une attaque surprise sur les installations nucléaires de l'Iran. États-Unis qui sont bien, bien nerveux. Voyez un peu ça s'en venir. Vous avez plusieurs sénateurs qui disent « Ah oui, il faut attaquer l'Iran, allons-y, c'est le temps plus que jamais. » Là, oh là là là là là, l'Iran est en train de se procurer une bombe nucléaire alors que c'est Israël qui a des bombes nucléaires juste à côté, de façon complètement clandestine. À peu près 400 têtes nucléaires. Vous avez toutes sortes d'articles encore que je vais vous laisser cette semaine qui parlent de ça. Mais anyway... On pourrait se retrouver, on se levait un bon matin, chers auditeurs, on se levait un bon matin, zip-zap. Ça y est, Israël a fait une attaque surprise sur l'Iran. Sauf que qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver si on attaque l'Iran? L'Iran a déjà déclaré qu'ils sont prêts. Ils attendent. S'ils vont se faire attaquer, ils vont répliquer. Mais là, vous avez, c'est combien de personnes là qui habitent en Iran? Là? J'ai oublié les chiffres. Là, ça doit être quoi? 80 millions de personnes en affaire de même. T'en as un peu. Je vais faire une petite recherche pendant que je vous parle. L'Iran, là, ils ont une armée pas mal puissante. C'est une des armées les plus puissantes au monde. OK? Et puis, ces gens-là sont très, très bien entraînés. Vous avez la garde nationale, hein? Et puis, ces gens-là sont tout frais et dispo. On parle pas d'une petite armée toute démolie comme l'Irak, là. On parle pas d'une petite armée parcellaire de la Libye, là. OK? Vous avez pas mal de monde. C'est quoi? Iran, je l'ai ici. 100 millions, on dit? Environ ça. Donc, écoutez, voyez un peu, là. Non, c'est à peu près ça, 2010. Oh, non, je l'avais pas loin, ça. 71 millions. Anyway. Donc là, vous attaquez à l'Iran, ben là, boum, vous avez une attaque, vous avez un sérieux ennemi. Alors, il est reconnu au niveau militaire de la plupart des nations du monde, dont les États-Unis et puis Israël, sont très, très conscients que Israël peut commencer une guerre contre l'Iran, mais ne sera jamais capable de la terminer. Dans tous les scénarios de guerre qu'on a fait en Israël, tous les types d'attaques qu'on a faites, on n'a pas réussi à en trouver un dans lequel Israël pourrait s'en sortir clairement victorieuse, sans l'aide de l'intervention des Américains. Aha! Donc là, si vous avez les petits G.I. Joe qui sont pour quitter le théâtre du Moyen-Orient parce qu'ils doivent sortir de l'Irak d'ici la fin de décembre 2011, ben là, Israël est en train de faire un petit calcul. Il est fou comme Netanyahou là, puis les autres psychopathes qui l'entourent, là, dont Obama, puis Obama qui lui est en train de planifier son coup de réélection, puis de prouver comment qu'il est butch, puis comment qu'il va être capable de prouver au lobby pro-sioniste israélien que tu sais comment qu'il est bon pour supporter Israël. Lui aussi est en train d'embarquer là-dedans. Puis vous avez même l'Angleterre qui est sortie officiellement dans les médias en disant qu'ils sont en train de faire des plans militaires pour attaquer l'Iran. Donc vous avez les États-Unis conjointement avec l'Angleterre qui est en train de se préparer eux aussi de leur côté. Hein, donc vous voyez ça s'organiser. C'est super. C'est vraiment fantastique. C'est dans les grands médias. Ouvertement, t'es en train de préparer des plans militaires pour attaquer l'Iran. Mm-hmm. Et puis là, ben écoutez, Zap, là, vous avez cette gang de connards-là qui se prépare justement, comme je vous disais, à attaquer. Et puis là, ben on se retrouve dans une situation où là, vous avez Israël qui fait le calcul que avant que les petits G.I. Joe américains se retirent, ben, puisqu'ils ne seront pas capables de gagner cette guerre contre l'Iran par eux-mêmes, à seuls. Écoutez, l'armée israélienne a mangé une volée contre le Hezbollah il y a quelques années, là, quand ils ont essayé d'envahir le sud du Liban, OK? Une défaite humiliante pour le Tsahal. Ils ont encore plein de rage par rapport à ça. Ils aimeraient bien s'y reprendre et puis avoir une revanche contre le Hezbollah et puis le Liban. Donc, ça s'en vient aussi. D'ailleurs, vous avez eu des incursions illégales dans le territoire, l'espace aérien du Liban, plusieurs reprises la semaine passée par Israël. Donc, vous voyez. Donc, le Tsahal ne sera pas capable de terminer la guerre. Donc, on sait qu'on a besoin des G.I. Joe américains. Donc, ils vont se dépêcher à partir la guerre contre l'Iran. En fait, c'est les plans avant que les troupes se retirent à la fin décembre. Donc, voyez un peu le panorama se dessiner, là. Hein? Voyez, là, que toutes ces choses-là sont reliées ensemble. Et puis, malheureusement, ben, les grands médias de masse sont pas capables, hein, ou n'ont pas volonté. Non, évidemment, n'ont pas la volonté. Je veux dire, écoutez, ils sont contrôlés par les mêmes compagnies qui profitent par ça. Et puis, la majorité des têtes, qui contrôlent les médias et puis Hollywood, écoutez, sont des juifs, genre, pro-israéliens. Donc, oh mon Dieu, est-ce que c'est antisémite de dire ça? Ben, non, regardons ça. J'ai un collaborateur ici à l'émission qui m'envoie un article cette semaine excellent. Un article excellent. Vous dites, ben oui, c'est un juif. Ben oui, qui travaille très proche d'Hollywood, qui lui déclare exactement que les 8 maisons principales, en fait les plus grandes maisons, il y a 8 maisons de production à Hollywood, sont toutes contrôlées par les Juifs, puis ils s'en vantent. Un Juif qui se vante de ça, publié dans le journal du Guardian. allez me traiter d'antisémite quand c'est publié dans un article du Guardian par un Juif qui décrit cette situation-là puis qui s'en pète les bretelles en disant « Regardez comment c'est fantastique, hey, on a vraiment le contrôle. » Les gens qui disent que les Juifs contrôlent Hollywood ont raison. Regardez ça, c'est super. Je veux dire, si on n'était pas là, vous auriez rien que des canals de merde puis tout. Nous autres, on est vraiment à la crème artistique puis tout. Donc, vous voyez, on est en train d'éclamer la supériorité. Hein? Donc, c'est absolument fantastique. Donc là, vous avez tous ces médias-là qui sont contrôlés avec des vues pro-israéliennes. Et puis, évidemment, qu'on vend toute cette salade-là contre l'Iran. Et puis, on vous parle pas de tous ces liens-là qui se préparent derrière, en arrière-scène. N'est-ce pas fantastique, chers auditeurs? N'est-ce pas fantastique? Alors, voilà le paysage tel qu'il est. Voilà ce qui se passe. Résumer le du mieux que je peux, mais là vous allez voir, comme je disais, un paquet de nouvelles par rapport à ça. Je vais essayer de vous les résumer ici assez rapidement. Bon, je vous parlais de ces attaques là. Attendez un peu là. Si vous avez l'armée américaine qui a déclaré que l'Iran était la menace principale. OK, donc imaginez, c'est l'Iran est la plus grande menace aux États-Unis pour les États-Unis puis ses alliés au Moyen-Orient, surpassant l'Al-Qaïda. Ça a été déclaré par un officiel militaire senior, vendredi dernier, rien que pour vous dire. Ça, c'est pas des petites déclarations dans les médias, là. C'est pas de quoi qui est anodin du tout, là. OK? On est en train de vous dire clairement, là, qu'on est en train de se préparer à attaquer, là. Right? Ensuite, vous avez les États-Unis qui, finalement, s'est retiré. Il y avait des plans d'imposer des sanctions sur la Banque centrale de l'Iran. Donc là, on a décidé de ne pas les provoquer directement tout de suite comme ça. Je vous ai ici l'article du Ynet. Ça, c'est un journal israélien où je vous parlais de cet article où le Tzahal se dit prêt à attaquer l'Iran. Là, vous avez, l'OTAN, ici, on parle des intérêts de l'OTAN qui sont compatibles avec ceux d'Israël. Donc, on veut éliminer l'Iran, évidemment, pour différentes raisons. Israël la voit comme étant une menace existentielle. Et puis, évidemment, que l'OTAN, qui est contrôlé par les États-Unis, voit l'Iran comme une menace aussi à son système hégémonique. Pas juste aux États-Unis, mais aussi, la famille Rothschild, et puis Israël, et puis les banquiers de Londres. Évidemment, c'est cassez-vous pas la tête, là. C'est sûr que l'Angleterre est là-dedans. Pourquoi? Parce que ça nuit au centre la cité de Londres, hein. Donc, ces fameux banquiers centraux, comme je vous parlais, ces banquiers mondiaux privés. L'Iran a commencé à vendre son pétrole en devises internationales, toutes sortes de devises internationales, sauf le dollar américain. Et puis là, l'Iran est en train de s'unir avec l'Irak. Vous avez Hamid Karzai en Afghanistan qui est étonnamment qui était le pion des États-Unis, qui est un ancien consultant des compagnies de pétrole qui a été mis en place, qui lui finalement a déclaré dans les médias que l'Iran était maintenant un bon ami, le Pakistan est un bon ami, que ces deux pays-là étaient pour être attaqués, que maintenant l'Afghanistan était pour se tenir avec eux autres. Vous avez toutes ces alliances-là qui se font, l'Irak avec l'Iran, puis là, écoutez, on n'aime pas ça. Il faut éliminer l'Iran. Donc, et puis en même temps, ben, en partant une guerre contre l'Iran, ben là, à ce moment-là, tous les soulèvements sociaux du peuple à l'intérieur des États-Unis, puis en Afghanistan, en France, en Angleterre, à ce moment-là, ils doivent se fermer la gueule parce que, hey, là, on est en guerre. Et là, si vous protestez contre votre gouvernement en temps de guerre, c'est que vous êtes pas patriotique. Hein? Donc là, on ferme la gueule du peuple comme ça en partant une guerre. C'est comme ça d'ailleurs que, tu sais, traditionnellement, historiquement, les nations se sortent tout le temps de la marde, autant d'une récession économique, une dépression, qu'un soulèvement important de la population contre les autorités, contre le gouvernement. Hein? Donc on part des guerres, on sème la zizanie, puis merci, bonjour. All right? On dépense de l'argent. Écoutez, c'est incroyable. Là, vous allez trouver des nouvelles. On a dépensé plus d'un trillion de dollars au Pentagone depuis 2001. Les attaques du 11 septembre. Ben oui, chers auditeurs, un trillion de dollars. Et puis, ça continue. Les attaques de drones qui se sont poursuivies dans plus de 3 pays la semaine passée. On a tué des dizaines de personnes en Somalie, au Yémen, au Pakistan. C'est super joyeux. Vous avez évidemment des articles qui font état que ces attaques de drones-là sont des attaques extrajudiciaires. Complètement sommaire et arbitraire, qui sont complètement hors la loi internationale. Évidemment, mais ça, on s'en fout. Les États-Unis se permettent quand même de faire la morale puis jouer le policier moral dans le monde. Hein? Là, ça continue, toutes ces histoires-là. Donc, évidemment, là, vous avez toutes ces nouvelles-là qui commencent à prendre sens quand on commence à les mettre ensemble puis on voit le tableau général. OK? Donc là, vous allez tout trouver ces nouvelles-là. Donc, vous avez l'armée britannique qui prend toutes les mesures nécessaires pour se préparer contre une attaque contre l'Iran. All right. Donc, évidemment, la justification, c'est les armes nucléaires iraniennes, alors qu'il n'en existe pas du tout. Hein? Vous avez des inspecteurs, même de l'Agence nucléaire internationale, qui ont été admis dans toutes les installations nucléaires iraniennes. Et puis, il n'y a aucun indice qui permet de croire que l'Iran essaye de produire des armes nucléaires. Alors que vous avez le pays voisin, Israël, qui en possède 400 de façon complètement clandestine. Mais ça, regardez... c'est Israël, fait que, excusez, là, on a des deux poids, deux mesures, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Israël, là, c'est pas grave, on peut pas questionner ça, là. OK? Donc, écoutez, je veux dire, ça continue comme ça. Israël qui a testé des missiles. Vous voyez, Israël qui considère une attaque préventive contre les installations nucléaires de l'Iran. Donc, vous voyez, ici, une nouvelle qui parle de ça, le premier ministre Benjamin Netanyahou qui est en train de réunir le support de son cabinet pour une attaque contre l'Iran. Ça vient selon des sources gouvernementales. Donc, écoutez, c'est ça que je vous dis, là. Je veux dire, c'est clair, là. C'est directement dans votre face, là. OK? Vous avez le ministre de la Défense, Ehud Barak, puis le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, qui ont déclaré qu'on doit faire des attaques préventives pour neutraliser les ambitions nucléaires de l'Iran. Ben oui, c'est super. Écoutez, là, on se retrouve devant un prospect carrément d'une troisième guerre mondiale. Une troisième guerre mondiale. Ben oui. Même la Russie a averti les États-Unis contre une attaque israélienne qui pourrait se produire sur le dos de l'Iran. Donc, vous avez l'Iran, vous avez la Russie qui est et puis la Chine, n'oubliez pas ça, qui eux autres back l'Iran. Vous avez la Russie déjà d'ailleurs qui a acheminé des systèmes de détection, radars, des missiles. Donc, on arme aussi l'Iran. Donc, on se retrouve dans un conflit potentiel très grave, évidemment. C'est l'Armageddon. L'Armageddon qui pourrait arriver carrément. Un Armageddon nucléaire. Et puis, écoutez, ça fit super bien dans l'idéologie néoconservatrice de la droite évangélique aussi, qui sont tous liés ensemble, je veux dire, qui croient en la venue du Messie après la fin du monde causée par un Armageddon de feu et de sang dans le Moyen-Orient. Et puis ça, c'est dans le cœur central des croyances d'environ 40 à 60 millions d'Américains. Après ça, sans compter toutes les sionistes, autant israéliens qu'américains, pro-sionistes, comme je vous dis, les évangéliques qui croient en ce qu'on appelle en anglais le rapture, alors je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est genre les hommes des bons catholiques vont être appelés à Dieu alors que la terre va souffrir une couple d'années de cataclysmes vu de guerres incroyables, et puis après quoi la planète va être donnée au peuple choisi, puis là pour eux autres vous avez carrément des vidéos, des documentaires de ça, vous avez aux États-Unis, écoutez, c'est des mouvements extrêmement riches et très bien structurés, extrêmement influents là aux États-Unis, je veux dire, Bush a été élu à l'aide de justement toute cette droite religieuse, évangélique, pro-sioniste. Ils sont de l'ordre de millions de personnes. On parle de 40 à 60 millions de personnes aux États-Unis. Même affaire ici pour l'Ouest canadien, sous Harper, je veux dire, c'est exactement ça qui se cache. C'est cette droite évangélique pro-sioniste. Et puis ces gens-là, dans leur croyance, ils pensent qu'après l'Armageddon, ça va être la venue du Messie. Et puis là, la terre promise, et puis la terre donnée au peuple choisi. Écoutez, c'est fou, là. Ces gens-là ne veulent pas attendre que la prophétie biblique se produise, là. Les autres, ils ont bien l'intention de la provoquer et de faire en sorte qu'elle arrive plus vite. Ils veulent voir ça de leur véhicule. Donc, vous avez un paquet de gens là-dedans qui courent littéralement, qui provoquent cette troisième guerre mondiale qui, selon toute probabilité, serait nucléaire. Vous imaginez-vous en face de quoi on se retrouve? Donc, on est à charnière ici, on est à un moment crucial, un moment charnière de l'histoire de l'humanité, où vous avez d'un côté l'humanité qui s'élève dans sa conscience, l'humanité qui est en train de prendre conscience que Christ, on est tout unis, on est un peuple planétaire, puis on est en train de réaliser ce qui nous a retenus esclaves, autant mentalement qu'économiquement, que je veux dire socialement. On est en train de se rendre compte de qui sont nos oppresseurs, nos bourreaux, qui sont les tyrans. Qui sont ceux qui essayent de nous soutirer cette liberté? Quand ils vont en Libye, ils sont pas là pour apporter de la liberté, ils sont là pour rendre le peuple esclave, prendre possession des ressources. OK? Vous avez dans un paquet de médias, on en parle ouvertement dans les tribunes, autant à la radio qu'à la télévision. La Libye est une opportunité de business. Il faut être sur le terrain maintenant. On envoie des businessmen. On faut faire des deals. Mettre la main sur le pétrole. Mettre la main sur les ressources naturelles. Écoutez, là, ouvrez-vous les yeux, là, c'est des guerres coloniales pour s'approprier, les ressources naturelles. On arrive là, on détruit tout, puis après ça, on prend possession. Pas plus compliqué que ça, là. Fait que là, on se retrouve en face d'un prospect d'une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale nucléaire. Complètement suicide. Donc, on se retrouve d'un côté, comme je vous dis, avec l'humanité qui est en train de prendre conscience. Regardez, ils occupent Wall Street, peu importe c'est quoi les influences, puis tout, vous avez la population mondiale qui réalise en Grèce, en Italie, en Espagne, en Islande, vous avez aux États-Unis, ici au Canada, partout, là. Je veux dire, les gens commencent à réaliser, wow, wow, wow, attends un peu, là, c'est qui l'ennemi? Wow, regardez ça, là. Vous avez, c'est le Pentagone, les services secrets, autant de tous les pays, de la France, du Canada, des États-Unis, je veux dire, de l'Angleterre, ils sont pas là pour protéger le peuple. Ils sont là pour protéger les corporations. Ils sont là pour protéger le pouvoir établi, l'establishment. Ils sont là pour ça. C'est la seule raison pour laquelle ils sont là. OK? Fait qu'ils arrivent dans ces pays-là, puis c'est la seule raison, c'est de mettre la main sur les ressources de ces pays-là, contrôler. C'est pas plus compliqué que ça. Ils sont pas là pour protéger la population. Donc là, Troisième guerre mondiale, c'est ça à quoi on fait face en ce moment. Collaborateur qui m'envoie un autre lien, longtemps avant la déclaration de Wesley Clark qui rapportait les propos d'autrui, Ehud Barak s'exprime le jour même du 11 septembre à la BBC accompagné de Richard Pearl et Frank Gaffney. Vous avez une vidéo qu'on appelle Rogue Countries, Iraq and Iran. On dit l'Irak et l'Iran, la Corée du Nord, peut-être Kadhafi et peut-être un autre de plus. Ça fait déjà des années que c'était prévu ce qui se passe en ce moment. On n'a pas enlevé Kadhafi de là parce que c'est un méchant dictateur, puis tatatata. On s'en fout, en autant que c'est les amis. J'ai fait des émissions dans le passé, il y a quelques semaines. Écoutez, on arrive en Libye pour supposément libérer le peuple, puis après ça, d'un autre côté, vous avez les États-Unis qui sont complètement derrière les régimes au Yémen, puis au Bahreïn, où on écrase la population, je veux dire, on torture les gens, on tue des gens par milliers. Voyons donc, là. Voyons donc. On a supporté Suharto qui a tué des centaines de milliers de personnes. Je parle des États-Unis quand je dis on écoutez, c'est incroyable. Lisez les livres de Chomsky pour le fun, juste pour voir le nombre de pays de dictatures sanglantes que les États-Unis ont supporté. En autant que ça soit leur body, en autant que ça soit leur ami, ces gens-là sortent. Écoutez, Saddam Hussein a été mis en place par la CIA. C'est historique, c'est des faits. Les talibans ont pris le pouvoir avec le sentiment américain. On met ces places-là, ces gens-là en pouvoir, puis après ça, quand ils se retournent contre... quand ces marionnettes-là se retournent contre la main qui les anime, ben là, écoutez, là, on les nomme de Satan, puis tout, puis là, il faut les détruire, puis merci, bonjour. Voyons donc, là. Donc, ça fait longtemps que c'est prévu. Cette affaire de Kadhafi, je veux dire, c'était un bon ami des pays occidentaux. Sarkozy, plein de photos, elle serre à la main, est en train de devenir le big body des pays occidentaux. Puis là, tout d'un coup, oh non, il veut sortir sa monnaie pour sa banque centrale africaine. Ah là, écoute, là, méchant garçon. Clau, clau, clau, on va taper ses mains qu'une règle. Hey! Donc là, écoutez, voyez là qu'on est parti, il n'a pas fait beaucoup de pauses musicales, je vois d'une stretch, vous écouterez ça comme vous voulez, par bloc, comme chez vous, et puis, écoutez, après ça, comme je vous dis, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais vous devez comprendre tout ce qui se passe, c'est extrêmement grave ce qui se passe dans le monde en ce moment, là. Là, vous avez, depuis le début de novembre, des excuses pour la prochaine guerre aussi qui s'en vient. Maintenant que la Libye est terminée, là, ils s'en vont en Syrie. OK? Donc, la Syrie, d'ailleurs, ça va être une façon d'accéder à l'Iran. Ils ont des pactes de défense mutuelle. Même affaire avec le Hezbollah puis le Liban. Mais là, vous avez supposément... Écoutez, la semaine passée, on a publié par des officiels américains des photos qui supposément viennent des services du renseignement où on voyait des photos d'un bâtiment qui serait supposément un réacteur nucléaire en Syrie. Photos de AFP puis du gouvernement américain. là, vous avez supposément des enquêteurs de l'Agence de l'énergie atomique internationale qui ont dit qu'ils ont découvert un bâtiment, des installations secrètes nucléaires dans le nord-ouest de la Syrie. On dit que le complexe avait un design similaire au plan que Muammar Kadhafi avait essayé de construire en Libye. Hey! Là, apparemment qu'on n'a aucune preuve de production nucléaire sur le site. Et puis là, ben, vous apprenez dans les nouvelles de la semaine des derniers jours, très récents, que finalement, c'était pas un bâtiment, une installation de production de matériel nucléaire, c'était une fabrique textile, une manufacture de produits textiles. Comprenez-vous les babards qu'on vous raconte? C'est n'importe quoi, là. N'importe quoi. Une manufacture textile, on fait passer ça pour des installations nucléaires pour essayer de vous craquer parce que là, hey, on va vous vendre, là, que là, zap, on s'en va en Syrie, là. Assad, là, il faut qu'on débarque de là pour whatever raison, là. On va intervenir, puis la Syrie va subir le même traitement que la Libye. Il faut libérer le peuple syrien. Ah oui, pourquoi? Parce que là, apparemment que le régime d'Assad écrase sa propre population, puis tout. Là, vous avez des reportages dans les médias, puis à la télévision, où on apprend que des centaines de personnes sont massacrées, des milliers de personnes par-ci à gauche et à droite, et puis là, on dit, oh, regardez le boucher Assad en Syrie, ta-ta-ta. Ah ben ouais, là on a des nouvelles qui sortent, si vous donnez la peine de lire un peu, ou si les médias avaient le respect encore un peu de ses propres lecteurs et puis de soi-même en tant que profession de journalisme, peut-être c'est qu'ils vous rapportaient les nouvelles que vous avez des... ben écoutez, vous avez Israël qui ont eux-mêmes admis, ça fait des années, là, qui c'est bien connu, qui arment les régimes opposés, en fait les groupes opposés au régime en place, donc autant en Syrie que les autres pays avoisinants, donc tous les pays avoisinants. Israël fait, autant que les États-Unis, beaucoup d'ingérence, et puis ça, c'est de quoi qu'il est reconnu. Mais là, tout récemment, on a pris sur le fait, justement, une livraison de cargaison d'armes israéliennes qui était destinée, justement, à des groupes opposés au régime de Assad. Alors, vous voyez qu'on déstabilise comme ça, par la bande, le pays. Donc, on arme des factions comme ça à l'intérieur du pays. Et puis, après ça, ces gens-là s'en vont avec ces armes-là qui sont fournies par les pays occidentaux, autant les États-Unis que qu'Israël. Et puis là, ben ces gens-là rouvrent le feu un peu partout. Donc, là, évidemment, vous avez le gouvernement syrien qui est obligé de prendre des mesures puis d'engager le feu contre ces gens-là. Puis après ça, on fait passer ça pour le gouvernement qui attaque sa propre population. Donc, vous voyez encore là tous les jeux, les faussetés, les mensonges, manipulations, propagande médiatique qui est propagée un peu partout comme ça pour vous vendre n'importe quoi. N'importe quoi. OK? Donc, de la Syrie à l'Iran, vous avez cette tendance qui se dessine de plus en plus lourde vers une guerre mondiale nucléaire. Donc, c'est pas bien compliqué, là. Je veux dire, c'est ça qui est le prospect. Vous avez le gouvernement syrien qui décrit l'interférence blatante des États-Unis dans les soulèvements, dans les supposées révolutions en Syrie. Donc, c'est pas juste les États-Unis, c'est pas juste Israël, les États-Unis aussi qui se font prendre la main dans le sac à tout simplement fomenter la déstabilisation des toutes sortes de groupes armés qui sèment la terreur dans le pays. Vous avez les États-Unis qui vont vendre des hélicoptères d'attaque à la Turquie. OK, donc écoutez là, un deal qui monte à plus de 111 millions de dollars. Et puis on dit que ces hélicoptères-là vont remplacer ceux qui sont perdus dans la lutte contre les séparatistes, les rebelles séparatistes du Kurdistan, donc les Kurdistan Worker Party, le PKK. Là, écoutez, il faut tout le temps penser un peu plus loin, se demander pourquoi les États-Unis ont fait ce deal à ce temps particulier, juste avant que les Américains doivent théoriquement quitter l'Irak dans environ 2 mois. Le fait que ces super cobras, ces hélicoptères, sont pris de l'inventaire militaire de la Marine, veulent dire que c'est une livraison très rapide, donc on doit livrer très rapidement. Donc, il y a beaucoup à miser sur ça, que ce deal vient parce que le gouvernement de la Syrie va être le prochain à être renversé par certaines forces occidentales, des forces underground. Et puis, c'est pour ça que la livraison de ces hélicoptères est critique. OK? Donc, voilà. Donc, écoutez, ça bouge, c'est incroyable. Probablement que la Turquie est en train d'abriter, si vous voulez, un groupe d'opposition armée qui vont traverser, qui vont mener une guerre d'insurgence contre le gouvernement, le président Bachar al-Assad. Et puis, on va sûrement donner couvert, justement, au commandant de douzaines de membres de ce groupe qui s'appelle le Free Syrian Army, et puis leur permettre d'orchestrer des attaques à travers la frontière comme ça de l'intérieur de la Turquie, d'un camp qui est gardé par des militaires turcs. Donc, en essence, on peut en déduire que la Turquie est en train de devenir une base de lancement pour les États-Unis, l'OTAN, d'attaques. OK, donc des attaques qui sont supportées puis qui sont financées par l'OTAN et les États-Unis contre le gouvernement d'Assad. Là, vous avez la Russie qui, d'un autre côté, disent qu'on ne veut pas laisser la Syrie devenir une deuxième Libye. Ça, c'est le premier ministre russe des Affaires étrangères, donc Sergei Lavrov, qui a déclaré ça. Donc, écoutez, réellement, là, ça regarde pas bien. Ici, vous avez l'article d'Israël qui admet avoir armé des révolutionnaires syriens. Donc voilà, c'est écoutez, c'est assez incroyable, là, je veux dire, ça bouge de façon très rapide en ce moment, et puis ces nouvelles-là sont absolument cruciales, donc on va essayer de suivre ça le plus possible. Barak a déclaré qu'Israël n'a pas encore décidé d'attaquer l'Iran, mais écoutez, Israël a déjà décidé d'attaquer l'Iran, c'est pas même compliqué, là. Vous avez un chef de l'armée britannique qui visite secrètement Tel Aviv il y a quelques jours. Alors, voyons, on est en train d'arranger les plans. Ça a été révélé par le Jerusalem Post. La Russie qui a livré des jammers à radar, donc des trucs pour embrouiller les radars à l'Iran. Alors, là, vous voyez d'un côté l'autre qui s'organise. Alors, c'est quand même assez incroyable. Vous avez en France aussi un ministre qui a déclaré que la chute du gouvernement d'Assad en Syrie est incontournable. Alors, Israël aussi, c'est comme si Israël est en train de donner ses ordres à tous les pays. Donc, Israël est en train de donner l'ordre que là, la Syrie doit tomber, doit recevoir le même traitement que la Libye. Donc, c'est assez incroyable, tous les jeux qui se passent là-bas. Vous avez eu des exercices militaires de l'OTAN dans la région, Israël qui a mené ces exercices militaires en même temps pour les faire paraître comme s'ils avaient tout le support, puis c'était coordonné avec l'OTAN. L'OTAN qui est sorti avec d'autres nouvelles en disant que, oh non, nous autres, on va pas embarquer là-dedans. Vous avez toutes sortes de jeux de déni comme ça, puis en même temps on se prépare concrètement militairement, on dépense des millions de dollars pour se préparer, là. C'est pas des préparations militaires comme ça, ça coûte des beurrés, ça coûte extrêmement cher. OK, on se prépare pas comme ça pour rien, là, en dépensant de l'argent par les fenêtres. OK, donc ça c'est la prochaine guerre de l'OTAN là en Syrie. Donc ça va être la Yougoslavie arabe du Moyen-Orient. Puis là, on va se positionner tranquillement, alors que vous avez des centaines de milliers de Syriens qui se sont réunis pour supporter Assad. OK, donc ça, on vous présente pas ça dans les médias. Par contre, là, on vous dit que la population syrienne souffre. On vous présente une sorte de reportage à vous faire pleurer comme quoi, oh, les Syriens, là, ils pleurent, puis tout. Encore là, je suis pas en train de vous dire qu'Assad, c'est un enfant de cœur, puis c'est un gars pro-liberté, puis super fantastique, qui protège les droits et les libertés des gens, qui torture pas. Oh, ouais, il se passe des affaires en Syrie incroyables. On a notre mère Amar qui s'est faite torturer en Syrie, parce que les États-Unis l'ont envoyé là se faire torturer pendant 10 mois, on s'en rappelle. Donc, je suis pas en train de vous dire que, ce gars-là, en Syrie, Assad, que c'est un gars fantastique. Sauf que, je veux dire, de quel droit qu'on peut intervenir dans ces pays-là comme ça, en disant qu'on veut défendre la population, alors qu'on a clairement des buts totalement autres, alors que les États-Unis eux-mêmes pratiquent la torture, je veux dire, que détruisent des vies et puis des pays en entier depuis des années. Un autre rapport ici, Israël qui prévoit upgrader ses capacités d'armes nucléaires. Ah ben oui, c'est annoncé comme ça. Et puis, ça c'était publié dans le Guardian, encore en Angleterre, un rapport. Alors on veut améliorer ses capacités d'armement nucléaire. Ça a été rapporté par une commission indépendante qui s'appelle The Trident Commission, à l'intérieur des États-Unis, qui a été publié, comme je disais, par le journal The Guardian. Et puis, on dit qu'Israël va aussi étendre la portée de ses missiles Jericho, terre à terre, pour qu'ils puissent avoir des capacités transcontinentales. Alors, ça veut dire qu'il devrait avoir des portées de plus de 5000 milles. En fait, fois 1,6 pour l'avoir en kilomètres. Alors, on est rendu au-dessus de 7500, entre 7500 et 8000 kilomètres de portée. Vous avez bien entendu, Israël a des missiles capables de porter des têtes nucléaires à plus de 7500 à 8000 kilomètres de là. Et puis, ces missiles-là peuvent être aussi lancés à partir de sous-marins Dolphin, de classe Dolphin, qui ont été livrés par l'Allemagne à Israël. Pensez pas que c'est pas une menace, ça. D'ailleurs, vous avez une majorité des pays, selon un sondage qui a été fait en Europe, qui voit et qui perçoit justement Israël comme étant la menace la plus importante sur la planète. Hein? La Palestine qui a reçu son état de membre à l'UNESCO, paf, automatiquement, les États-Unis coupent les fonds à l'UNESCO. Ben oui. Alors, voyez encore là qui sont les prostituées d'Israël. La Palestine qui, justement, comme je vous dis, à cause qu'il a obtenu sa carte de membre, si vous voulez, de l'UNESCO, ben là, ça vient d'isoler encore plus Israël et les États-Unis qui ont coupé leur financement à l'UNESCO de façon complètement instantanée. Donc, on veut forcer l'État palestinien à négocier avec Israël, mais Israël qui ne veut pas en arriver à aucune entente de paix, demande des affaires complètement déraisonnables. Vous avez Israël qui force les Palestiniens à l'extérieur de Jérusalem-Est. Vous avez des colons juifs qui ont lancé des pierres à une femme âgée de 80 ans, une Palestinienne. Imaginez, c'est comme ça qu'on traite les gens là-bas, c'est incroyable. Les États-Unis puis l'Europe qui ont critiqué les plans israéliens d'accélérer les constructions dans la Cisjordanie. Alors, voilà, ça continue comme ça. Les hackers qui ont fermé l'Internet, le réseau Internet palestinien. Donc, on peut voir qu'Israël est en train d'attaquer. D'ailleurs, a commencé des bombardements de la bande de Gaza. Vous avez supposément de ces fameuses roquettes qui sont lancées sur apparemment par des Palestiniens sur le territoire israélien. Sauf qu'après ça, vous avez d'autres articles qui sortent ici où on pose des questions très légitimes, à savoir c'est pas Israël qui sont derrière ces attaques de roquettes, supposément qui viennent de Gaza. Vous avez une vidéo publiée par Haaretz qui montre des supposés militants de Gaza qui se préparent à lancer des roquettes vers Israël. Puis là, ben, vous avez des soldats du Tsahal qui sont là, qui regardent ça, qui sont en train de capturer le tout sur vidéo, puis qui n'ont absolument rien fait pour les stopper. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Fait qu'ils sont là en train de regarder les militants, supposément palestiniens, en train de lancer des roquettes sur Israël. Les autres, ils les filment, ils les regardent, puis ils les laissent faire. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Après ça, les images, ils sortent dans les médias, puis ils disent, regardez là! Ah, les méchants palestiniens! Zap, il faut les attaquer. Donc, ça a pas mal plus l'air d'un false flag attack qu'une attaque faux pavillon, là, hein? Peut-être qu'à un moment donné, il faudra arrêter de se faire traiter pour des cons, là, puis les gens, ces gens-là, ils pensent que vous êtes tellement stupides que vous n'allez pas réaliser que c'est complètement des montages, que c'est complètement des imbécilités, des faussetés totales qu'on crée. Puis pourquoi, de toute façon, pensez à ça, là, pourquoi il y aurait quiconque en Palestine en ce moment qui lancerait des roquettes sur Israël quand ces gens-là sont en train de demander d'avoir une place, ils ont été refusés d'ailleurs, avaient demandé une place pour être sur le Conseil des Nations Unies, et puis ensuite viennent d'avoir leur part de membre de l'UNESCO. Pourquoi ces gens-là, après ça, iraient lancer des roquettes sur la Palestine, sur Israël? Voyons donc. Ils veulent pas nuire à leur image. Ils sont pas là. S'ils font ça, ils vont complètement se délégitimiser. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, il n'y a rien qui se tient là-dedans. Ben là, par exemple, ça n'arrête pas des gens comme le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, de menacer une réponse israélienne très forte à ces supposées roquettes qui tombent de la... qui proviennent supposément de la bande de Gaza. Mais alors là, il faut se poser la question, qui profite? Qui bono? Qui profite de ces feux de roquettes? Ça peut pas être les Palestiniens qui, eux autres, essayent de se faire reconnaître comme étant une nation qui attend une réponse des Nations Unies. Les Palestiniens sont quand même pas si stupides que ça, là. OK? Mais qu'est-ce que vous diriez peut-être que si Israël aurait certains agents provocateurs pour faire ça? Hein, pour essayer de faire dérailler le travail aux Nations Unies, puis faire dérailler l'acceptance de la Palestine comme étant un État, puis qu'ils reçoivent pleinement son état de membre, son statut de membre aux Nations Unies, pour créer une autre justification pour lancer une autre attaque de Gaza, puis saisir le plus de terrain possible avant que finalement la Palestine soit reconnue comme un État, puis qu'Israël soit obligé de définir ses frontières de façon permanente. Parce que, oui, vous avez bien entendu, Israël n'a pas encore de frontières permanentes. Ce sont des frontières qui sont bougeantes, qui bougent d'un jour à l'autre. Imaginez que la France ou le Canada auraient des frontières qui changeraient tous les jours. On va en chercher un peu plus chez le voisin, un petit peu plus à chaque semaine. Hein? Vous avez cette fameuse flottille, une autre flottille d'aide humanitaire qui est partie. Le bateau a été saisi par les bateaux militaires israéliens, évidemment. Donc, on détient encore les gens. Donc, voilà. Vous voyez un peu toutes ces affaires-là qui se déroulent dans ce coin-là. Au Kirghizistan, ben, vous avez le président, lui, qui a demandé que les bases militaires américaines soient fermées. Ça, c'est le nouveau président qui vient d'être élu au Kirghizistan, qui a demandé fermement aux États-Unis la semaine passée de quitter ses bases militaires aériennes qui sont juste à l'extérieur de la capitale Bishkek. Alors, normalement, ce truc-là devait expirer, le contrat devait expirer en 2014. Donc, voilà, c'est en train de se passer. Ben, vous voyez, c'est les légions, c'est les bases... C'est un peu comme l'Empire romain, quand l'Empire romain est en train de tomber, c'est qu'à un moment donné, on est en train de perdre contrôle des régions avancées, des régions éloignées. Donc, ces bases-là commencent à tomber. Et puis, c'est en train de se passer. Donc, quand même beaucoup de nouvelles, n'est-ce pas? Les docteurs israéliens qui sont accusés de ne pas avoir déclaré, rapporté les cas de torture de détenus palestiniens. Donc, vraiment, c'est vraiment fantastique ce qui se passe en Israël. Mais hey, il faut attaquer l'Iran. L'Iran, là, les autres, c'est des méchants. Israël qui, écoutez, vous avez une exposition à Paris d'objets, écoutez, des gens, des commerçants, des gens, des traders qui échangent des outils de torture. Et puis là, ben, vous avez Israël, une compagnie israélienne qui vend des instruments de torture et de répression. Incroyable. C'est une exposition, en fait, à Paris, c'est une exposition d'armement là qu'on a. Et puis, il y a 6 ans, cette compagnie-là avait été exclue de l'événement à Londres. Et puis là, ben écoutez, ils reviennent à la charge avec toutes sortes d'équipements, des boucliers, des trucs électrochocs, donc toutes sortes d'affaires là, pour torturer. Donc, ça c'est incroyable. C'est une industrie israélienne qui est en pleine expansion. Hein, toutes sortes d'objets comme ça, hein, de créations exotiques pour la torture. Et puis, fort à parier que justement ces trucs-là ont été d'ailleurs bien essayés, hein, bien testés sur des prisonniers palestiniens. Vous voyez le petit rapport premier que je parlais de docteurs qui n'ont pas déclaré les cas de torture sur les détenus palestiniens. Ah, ben voyez, regardons ça. Eh ouais. Après ça, ben ça continue. Les affaires, normalement, écoutez, c'est des nouvelles, qu'est-ce que je voulais vous dire. Ici, vous avez un citoyen israélien qui s'appelle Levi Isaac Rosenbaum, qui vivait à Brooklyn, à New York, qui a plaidé coupable d'avoir acheté des reins de façon illégale d'Israéliens désespérés, puis après ça, qu'ils aient trafiqué aux États-Unis pour des transplantations sur des patients prestigieux, à des hôpitaux prestigieux américains qu'on n'a pas nommés dans cet article-ci. Ici, vous avez l'Ukraine, ici, qui traîne en cours des trafiquants d'humains israéliens. Alors, vous avez 6 membres d'un groupe, d'un réseau de trafiqueurs d'humains. Alors, les Israéliens encore qui sont derrière ça, qui ont opéré dans la République de Azerbaïdjan. Alors, ils sont dans une cour spéciale en Ukraine. Alors, des gens qui se spécialisaient aussi dans la vente d'organes humains qui ont été qui provenaient de victimes qui étaient trafiquées. Alors imaginez, c'est quand même assez incroyable, là. Je veux dire, ça a été géré par des Israéliens qui avaient aucun entraînement médical. Travailler dans cette clinique-là, qui est utilisée comme un front pour trafiquer des organes humains qui étaient pris sur aussi des enfants de l'Azerbaïdjan. Ben oui, vous avez bien entendu, c'est vraiment fantastique, c'est des nouvelles. Ensuite, un Israélien encore ici coupable de trafic d'organes. Et un autre cas aux États-Unis cette fois-ci. C'est Rosenbaum, comme je parlais, qui était identifié par le FBI il y a 7 ans, comme étant une figure majeure dans le trafic d'organes humains global. Alors, c'est quand même assez incroyable. Alors, allez voir ça. Donc, ça continue. Ça continue, les États-Unis qui pourraient garder des détenus à Gitmo, alors à Guantanamo, même s'ils sont acquittés. Alors, on torture les gens à Guantanamo, et puis après ça, quand on trouve qu'ils ne sont pas coupables d'absolument rien, ben là, les États-Unis ont décidé de les garder pareil en prison à Guantanamo, parce qu'évidemment, s'ils sortent, ces gens-là vont se mettre à parler des conditions terribles qu'ils subissent, évidemment, de torture et puis de toutes sortes de méfaits comme ça contre leur personne, sans aucun recours judiciaire. Ces personnes-là ont droit à aucun recours judiciaire, aucun contact avec leur famille, disparaissent de la surface de la planète dans un trou noir, et puis le gouvernement américain se donne le droit de tout simplement les garder là aussi longtemps qu'ils veulent. Incroyable. Donc voilà, toutes sortes de nouvelles comme ça. Ici, les nouvelles dont je parlais, ici, les drones qui ont tué toutes sortes de personnes au Moyen-Orient, donc une couple de dizaines de personnes qui sont mortes, des drones qui parlent de l'Éthiopie aussi, donc vous avez les États-Unis qui sont en train de se positionner en Afrique, qui donne l'expansion de leur rôle en Afrique. La CIA, ils vont continuer des opérations sous couverture en Irak, dont je parlais. En Afghanistan, les mouvements, écoutez, c'est assez incroyable, les mouvements de diesel et puis de pétrole sont bannis. On va bannir les mouvements de pétrole raffiné, de produits de pétrole raffiné en Afghanistan. Donc, toutes sortes de nouvelles comme ça, vraiment troublantes. Les installations de l'OTAN en Libye avec le nouveau régime signalent justement un autre lancé néocolonial pour l'Afrique. Alors, ça aussi, c'était une autre nouvelle très importante. C'est un rush vers les ressources naturelles africaines qui est en pleine expansion en ce moment. Les États-Unis, une autre nouvelle, les États-Unis assument tranquillement, silencieusement, une posture militaire en Afrique. Alors, c'est comme ça qu'on est en train de se positionner en Afrique. Les troupes américaines qui arrivent en Ouganda, ça aussi je vous en parlais dans les nouvelles précédentes, vous avez des chars d'assaut russes qui eux autres arrivent dans le port de la mer Noire à Sochi. Alors il apparaît que la Russie veut s'assurer de garder les tunnels à travers les montagnes du Caucase ouvertes pour apporter du ravitaillement à l'Iran. Alors, ça aussi, c'est tout un développement stratégique très important. Il apparaît de plus en plus clair que la Russie serait assez déterminée à aider l'Iran dans le cas d'une attaque. OK? Vous avez Panetta, ça c'est le secrétaire de défense américaine, Leon Panetta, qui lui a promis la semaine passée de préserver un bouclier, un parapluie nucléaire pour protéger son allié de la Corée du Sud contre la Corée du Nord. Et puis après ça, ben vous avez la compétition qui continue aussi de s'aggraver dans la mer de la Chine, donc du sud, hein, au sud de la Chine. Et puis là, vous avez plusieurs réserves de pétrole qui sont là. Donc là, vous avez la Philippine, le Vietnam, la Chine et puis les forces américaines qui sont derrière, évidemment, aux Philippines, qui se font face. Et puis là, ben écoutez, on est en train de se disputer pour mettre la main sur les hydrocarbones qui sont les hydrocarbures, qui sont dans le fond de cette mer de la Chine. Et puis là, vous avez toutes sortes de guerres économiques qui se jouent aussi. Donc, les États-Unis qui ont menacé de mettre en place une loi qui mettrait des sanctions contre la Chine, contre la monnaie chinoise. Et puis là, la Chine qui a promis de se venger, de répondre à ça si les États-Unis allaient de l'avant. Donc, voyez, on fait tout pour semer la guerre dans le monde. OK? Donc, écoutez, c'est à peu près ça là, pour les nouvelles de l'actualité mondiale. Je crois que vous avez eu l'essentiel. Il y avait d'autres nouvelles à suivre, mais on va s'arrêter là pour le moment. On arrive pas mal à la fin de l'émission. On a parlé en masse là, de la Libye, de l'Iran, de ce qui se passe avec la Syrie. Donc, gardez ça à l'œil. Là, c'est mieux être vaut bien informé puis les voir s'en venir. Là, embarquez pas dans les plans et puis... ne laissez-vous pas embarquer par les mêmes mensonges avec lesquels on a créé cette guerre-là. On a parti cette guerre-là en Irak, en Afghanistan, la même affaire comme qu'on a fait en Libye. Et puis là, on va essayer de faire la même affaire dans les semaines à venir contre la Syrie puis l'Iran. Donc, ne vous laissez-vous pas embarquer par ces niaiseries-là, par ces manipulations, cette propagande mensongère et guerrière, OK? Ayez à l'esprit qui est l'ennemi en ce moment, qui est votre véritable ennemi, qui est l'ennemi du peuple, de l'humanité en entier, là. Et puis, autant qu'on est dans un mode de résistance et puis qu'il faut faire face au fait qu'on nous mène carrément une guerre en ce moment, une guerre de toutes les manières, que ce soit économique, au niveau de la santé ou carrément militaire, il faut rester dans un espace mental et d'esprit puis d'âme de paix. C'est bien important. Il faut pas embarquer dans ces plans-là guerriers, dans cette atmosphère, cet espace mental de guerre partout, de peur, puis d'intimidation, puis de quoi que ce soit. Au contraire, vibrons de la plus haute vibration de paix, puis d'amour, de compassion, de solidarité. Et puis cessons de compérer à cette dictature mondiale qui est en train de se mettre en place, cette tyrannie mondiale par cette même élite internationale qui cause tout ce bordel dont je parle depuis le début de l'émission. OK? C'est incroyable ce qui s'est passé en Libye, tuer quelqu'un comme ça, pour ça mettre des gens qui viennent de Washington. Écoutez, on met en place un Mustapha Abdul Jalil, un gars qui a une double citoyenneté américaine et libyenne, qui a vécu aux États-Unis, qui a un doctorat en ingénierie électrique, qui a enseigné à l'Université de la Caroline du Nord et puis de l'Université d'Alabama pendant des années, un businessman et puis une famille importante de Tripoli, qui a aussi enseigné à l'Institut pétrolier des Émirats Unis. Un gars qui se retrouve à être backé par Big Oil, OK, par les grands producteurs de pétrole. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe en Libye. OK, on va terminer avec la Libye, on prend une petite pause et puis après ça on va s'en aller avec un peu de nouvelles là, de Fukushima, là. On va terminer avec ça là. C'est débile ce qui s'est passé là. On a dit qu'on est venu là pour protéger le peuple, pour libérer le peuple de Kadhafi, que Kadhafi c'est un sale dictateur, puis tout, un truc sanglant. Et puis là, qui qu'on a mis en place? Ben écoutez, on a mis des gens en place, sont reliés avec l'Al-Qaïda, des gens qui on a reconnus comme étant l'autorité libyenne officielle, et puis qui, dès qu'ils sont entrés en fonction, ont ordonné que la loi de la charia soit mise en place en Libye. Alors, vous avez une campagne de bombardement de l'OTAN pour supposément libérer la Libye, et puis là, on vient d'instaurer la charia. Vous savez c'est quoi la charia? Mais hey, c'est pas grave ça que la charia soit maintenant installée. Hein, c'est pas mal mieux Kadhafi ça, la charia. Mais de toute façon, on s'est débarrassé de cette merde de dinars basée sur l'or. Ça, c'est important. Hein, oui. Et puis voilà comment que la nouvelle démocratie fonctionne. Là. Maintenant, ben, ce fameux Mustafa Abdul Jalil. Puis vous avez l'autre qui a pris sa place, Abdourahim El-Kaib, qui lui, finalement, sont des gens qui sont supportés par des grosses corporations et puis des compagnies pétrolières. Fantastique, ben ouais, c'est absolument excellent. Donc la Libye qui va être pendant longtemps, on va se rappeler de la Libye pendant longtemps comme étant un des grands crimes de l'histoire. Pendant plus de 8 mois, vous avez l'OTAN, la machine à tuer de l'OTAN qui a ravagé le pays, en tuant des dizaines de milliers de personnes. Vous avez des années maintenant de conflits qui s'en viennent, des conflits entre différentes factions. C'est déjà commencé en différentes factions maintenant, des rebelles. Ça commence à s'entretuer, à faire des exactions extrajudiciaires. On tue, on massacre du monde. C'est super fantastique. C'est super fantastique. On a créé une situation en Libye là, qui va être invivable pendant des années et des années. Vous avez là, en 2007 le West Point Combating Terrorism Center qui a rapporté que le LIFG, terroristes, sont à la tête de la rébellion libyenne. Une sorte de documents comme ça qui sortent, qui documentent amplement que c'est complètement des terroristes qui sont à la tête de la Libye. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas incroyable? Vous avez des mercenaires des pays occidentaux, des corporations qui sont en train de se déverser en Libye. Donc, évidemment, il va falloir protéger les corporations qui sont en train de maintenant de rentrer en Libye puis carrément voler toutes les ressources. Et puis après ça, il va falloir consolider ça, protéger ça. Donc, évidemment, on va engager tous ces mercenaires privés-là. Super! Hey, c'est vraiment fantastique de voir ça. Après ça, vous avez le FMI, les Fonds monétaires internationaux, qui eux autres ont déclaré qu'ils vont rencontrer les leaders libyens très bientôt. Ah ouais, là, on va leur faire un gros prêt de cash. La Libye qui ne devait absolument zéro dollar, ne devait absolument rien aux banquiers internationaux, était complètement libre de dette. Là, soudainement, ben, hey, ça coûtait cher renverser Kadhafi. Là, il va falloir emprunter des millions de dollars du FMI. Et puis voilà que les banquiers internationaux vont mettre la main maintenant sur la Libye de cette façon-là, en lui créant une dette qui sera jamais à jamais impossible à rembourser. Donc c'est n'est-ce pas super? Hein? C'est beau, hein? C'est beau l'avancement. C'est beau l'avancement. Donc voilà. Donc allez consommer toutes ces nouvelles et puis pleurer. La Libye où il n'y avait pas de facture d'électricité. L'électricité était complètement gratuite pour tous ses citoyens. Il n'y avait pas d'intérêt sur les prêts. Les banques en Libye étaient possédées par l'État et puis donnaient des prêts à tous ses citoyens à 0% d'intérêt. C'était la loi. Avoir une maison était considéré comme étant un droit humain en Libye. Tous les nouveaux mariés en Libye recevaient l'équivalent de 50 000 $ US par le gouvernement pour acheter leur premier appartement ou maison pour partir une famille. L'éducation puis les traitements médicaux qui étaient gratuits en Libye. Avant Kadhafi, seulement 25% des Libyens étaient littérés, savaient lire. Aujourd'hui, les chiffres sont à 83%. Les Libyens qui voulaient faire de l'agriculture, ben eux autres recevaient une terre pour faire de l'agriculture avec une maison et puis de l'équipement, des semences et puis même des bêtes pour partir la ferme. Tout ça gratuitement. N'est-ce pas incroyable? Ainsi de suite. Ainsi de suite. Si un Libyen voulait acheter une voiture, le gouvernement donnait une subvention de 50% pour le prix. Le prix du pétrole en Libye, là, c'était 14 cents le litre. 14 cents le litre. La Libye n'avait aucune dette externe et puis ses réserves se montaient à plus de 150 milliards de dollars. Maintenant, ont été complètement gelées globalement. Ainsi de suite, chers amis. C'est incroyable. Une mère qui mettait au monde un enfant recevait l'équivalent de 5000 dollars américains. 40 pains en Libye coûtaient environ 15 sous. 25% des Libyens avaient un diplôme universitaire. Kadhafi, qui avait mis en place le plus grand projet d'irrigation au monde, qui est connu sous le nom en anglais de Great Man-Made River Project, donc le grand projet fait à la main. C'est quand même assez incroyable. Donc, je vous dis, c'est à pleurer. Donc, allez voir ça. Je vais vous laisser un paquet de nouvelles par rapport à ça. C'est une honte totale, ce qui s'est passé là. Donc, voilà. Nous, on fait une petite pause musicale, puis on se retrouve immédiatement après pour un bref sommaire de ce qui se passe à Fukushima. Hey, j'aime pas ta gueule, Mr. Grande Gueule. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. T'as pas le monopole de la bêtise. T'as pas le monopole de la sottise. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es le roi des cons. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Aussi vrai que le tigre ne clame pas sa tigritude, le nègre ne clame pas sa négritude. Ce que tu es parle plus haut que ce que tu dis. L'histoire que tu falsifies. Tu n'es pas Che Guevara, encore moins Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es pas Che Guevara, encore moins Nelson Mandela. Et voilà, vous êtes de retour de la pause. Bon, on va terminer avec le nucléaire encore, dossier Fukushima. Il faut continuer d'en parler. Je vais essayer de le faire chaque semaine. Là. C'est dur vraiment de faire tout ce que je voudrais, là, mais écoutez, on va le faire le plus qu'on le peut. C'est important d'en parler, le nucléaire. Vous avez toutes sortes de nouvelles que je vais vous mettre encore en ligne. Vous avez des scientifiques, Marco Kaltofen, qui présente des données qui confirment qu'on a des particules chaudes, on appelle ça des hot particles en anglais. Ce sont des fines particules là, qui se sont échappées de Fukushima, qui se sont... Écoutez, on a détecté de ces particules-là partout aux États-Unis, aussi en Amérique du Nord, en fait, ça a touché le Canada, jusqu'en Europe. Il en est tombé beaucoup plus que ce qu'on a voulu admettre, des quantités assez incroyables, surtout au mois de mars et au mois d'avril, sur toute la côte ouest américaine, donc en Californie. Vous avez le Mexique qui a décidé d'abandonner, ça a été annoncé par Bloomberg, qui va abandonner les plans de construire plus de 10 centrales nucléaires. Fukushima qui cause les nations à travers la planète à reconsidérer l'énergie, les besoins d'énergie futurs. Vous avez l'Inde, eux autres qui ont mis en place des plans pour développer des centrales nucléaires plus sécuritaires qui sont alimentées par le thorium. Ça aussi, j'en ai parlé dans le passé, donc je ne reviendrai pas sur le thorium, mais vous devez savoir ce que c'est si vous ne le savez pas. Donc, THORIUM, faites des recherches sur ça. C'est une autre sorte de matériel qui produit de l'énergie nucléaire, mais qui ne produit presque pas de déchets, en tout cas presque pas de plutonium, et puis qui ont un mécanisme énormément beaucoup plus sécuritaire que ceux qu'on utilise en ce moment. Sauf qu'on utilise les types de nucléaires, de réacteurs nucléaires présentement seulement parce qu'ils ont l'avantage de produire un produit dérivé qui s'appelle le plutonium qui est utilisé au niveau militaire pour produire des bombes nucléaires. Donc, pas mal tout le secteur nucléaire est intimement lié avec le militaire. Et puis, ils sont en fait indissociables l'un de l'autre en réalité. Là, on dit le civil, on dit le nucléaire, on parle du nucléaire militaire et civil, mais vous devez comprendre que la frontière entre les deux réellement là est plus imaginaire que n'importe quoi d'autre. Grosse nouvelle, aussi après l'Allemagne, ben là on a la Belgique qui va sortir du nucléaire. Excellente nouvelle encore là. Dans un élan de, écoutez, on doit comprendre là, de cette nation justement qui réalise là qu'il faut sortir du nucléaire. Donc eux autres, je crois que c'est d'ici, attendez un peu, là, j'ai perdu la date, je crois que c'est 2014 là où on parle de ça. Je retrouve pas la 2015. Bon, commençant d'ici 2025. OK, j'allais. Donc, la fermeture progressive de tous les réacteurs nucléaires belges d'ici 2025, en commençant par la fermeture en 2015 de 3 des 7 réacteurs belges. Donc, Doel 1, Doel 2, près d'Anvers et Tihange numéro 1, près de Douy. Écoutez, ça s'en vient. C'est correct. On peut faire le changement. Et puis, faut parler de Fukushima parce que malheureusement, les médias ont décidé, eux autres, de complètement l'ignorer comme si ça n'existait pas. Alors que la situation à Fukushima est très loin de s'améliorer, là. Et au contraire, là, je veux dire, les choses continuent de s'aggraver. Je fais une petite parenthèse ici, je viens de voir la nouvelle, un rapport ici, le topsoil, la terre de surface contient des niveaux de radioactivité dans césium de 10 000% plus élevés que ce qui était cru précédemment, donc ce qu'on nous avait annoncé au début de la crise de Fukushima. Alors imaginez, c'est quand même assez incroyable. Vous avez une autre vidéo aussi de Gunderson qui parle justement des radiations nucléaires de Fukushima, des particules qui ont été, ça a été prouvé là, que se sont ramassées aux États-Unis, donc des recherches scientifiques là, qui confirment les analyses aussi de Gunderson que justement les particules chaudes radioactives des réacteurs nucléaires de Fukushima sont présentes dans l'air en Amérique du Nord. Les gens respirent ça, puis ils présentent un risque à la santé pour autant les populations du Canada que des États-Unis. Je continue dans mon élan comme je parlais. Vous avez une situation à Fukushima qui continue de se dégrader très rapidement. Vous allez trouver plusieurs articles où on commence à trouver des variétés d'insectes, de végétaux, des animaux. Vous avez un article qui parle d'un chat avec un troisième œil. Donc, on parle de toutes ces formes de vie-là qu'on commence déjà à avoir des répercussions, des déformations génétiques. Vous avez une hausse des crises cardiaques, de cas de leucémie dans plusieurs hôpitaux japonais. Ça commence déjà à apparaître, là. Puis écoutez, le pire est à venir. Le pire va être dans les prochaines années. Ça commence déjà à sortir. Vous avez un autre rapport ici de un rapport international, le New International Report, qui montre qu'il y a encore là le scénario qui a été mis en place par le gouvernement japonais, puis TEPCO, finalement, minimisait gravement les conséquences du désastre. Okay? Et vous avez évidemment des populations, des régions très densément populées au Japon, et puis on a voulu ne pas alarmer les gens. Sauf que maintenant, vous avez des études indépendantes qui montrent effectivement, qui démolissent, si vous voulez, le scénario minimaliste de TEPCO et puis du gouvernement japonais. Et puis là, vous avez la Minichi News Agency qui a rapporté, vous avez l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en France qui a déclaré qu'ils ont émis un rapport qui montrait que vous avez des quantités de césium radioactif 137 qui est entré dans le Pacifique après le 11 mars. Alors, ces quantités-là étaient probablement près de 30 fois plus élevées que celles qui étaient déclarées par TEPCO au mois de mai passé. 30 fois. Alors, TEPCO a minimisé pas juste d'une fois ou deux ou de la moitié, 30 fois les quantités de césium 137 qui ont entré dans le Pacifique alors qu'il s'est déversé ou qu'il a fui dans le Pacifique. 30 fois. OK? Des quantités absolument incroyables. Vous avez ici un top 25 des documents internes de la NRC, ça c'est aux États-Unis, qui parlent de Fukushima, qui ont été rendus publics après des requêtes, vous savez, là, de l'accès à l'information. Et puis, vous avez plusieurs informations, allez voir ça. Donc, écoutez, les réacteurs endommagés, toutes sortes de liens comme ça là, qu'on n'a pas voulu relâcher au niveau public, mais qui trace un portrait de la situation qui est loin d'être rassurante. Réellement, là, vous allez voir, ces fameux réacteurs-là sont dans un état très piteux. J'en parlais dans les émissions précédentes. Le fameux corium, le combustible nucléaire se retrouve maintenant dans le sous-sol, dans la terre, en train de passer au travers de la dalle et puis se retrouver dans le sol, en train de contaminer les nappes phréatiques autour, en train de fuir dans l'océan. Vous avez TEPCO qui a détecté de la fission nucléaire à la station de Fukushima la semaine passée. Alors, on a découvert du xénon, d'autres sortes de particules aussi de radioactives qui ont des courtes vies, des courtes demi-vies, en fait, donc de quelques jours à quelques semaines, donc qui prouvent réellement que c'est des nouvelles émissions. Donc, vous avez des recriticalités, comme je parlais dans la dernière émission il y a deux semaines, des nouvelles chaînes de réaction qui se produisent. On a découvert un nouveau trou dans le réacteur numéro 2. Écoutez, on retrouve des quantités de contamination radioactive à plusieurs kilomètres, là, même de la zone d'évacuation, donc des fois même à plus de 200 kilomètres de là, même à Tokyo, dans les cours d'école. Vraiment, là, c'est très inquiétant. Vous avez aussi toutes sortes de symptômes physiques comme des yeux enflés, qui sont des symptômes des désordres de la thyroïde. On a de plus en plus d'enfants qui se plaignent d'avoir des yeux enflés après des contaminations de radiation. Écoutez, c'est assez incroyable, là. Puis j'en passe, ainsi de suite, comme ça. On essaie de rassurer les gens, mais en réalité, là, vous comprenez qu'au fur et à mesure que les nouvelles sortent, puis qu'on les lit, on se rend compte que la situation est bien plus grave que même ce que Tchernobyl n'a pu jamais se passer. Vous avez un expert de Tchernobyl qui, lui, s'est promené au Japon et déclaré que partout où il va, il entend des histoires similaires à des cas qui s'étaient passés avec Tchernobyl. Alors, évidemment, les parallèles sont à faire, c'est évident. Vous avez une jeune fillette de 8 ans au Japon qui a plus de 3000 désintégrations de césium radioactif par seconde. Donc, dans son corps, alors imaginez les enfants maintenant aussi qui sont condamnés de l'intérieur. Alors, on a détecté plusieurs enfants même qui urinaient des matières radioactives. Écoutez, là, c'est plein de nouvelles comme ça. Et puis, malgré ça, malgré toutes ces affaires-là, écoutez, plutonium-238 qui vient de l'intérieur des réacteurs, quand ça a explosé, s'est dirigé très loin de Fukushima après les explosions. Alors, vous avez de la contamination au plutonium, qui est une des matières les plus dangereuses sur la planète Terre. et qui se retrouve maintenant vaporisé, qui se retrouve dans les sols au Japon. Et puis, il y a des gens qui ont inhalé ça, et puis le reste qui est des gens qui habitent là, qui sont exposés à ces radiations. Vous avez ici un autre guide là, des vérités et des conséquences, un guide sur les triples melt-through à Fukushima, dont j'en avais parlé. On parle de melt-through, ça veut dire le combustible traversé complètement à travers les réacteurs, les chambres de confinement, puis rendu complètement à l'extérieur de ces bâtiments-là. On va ne jamais savoir quoi faire avec ça, c'est certain. Les médias qui admettent honnêtement que ça va prendre des décennies à même prendre contrôle de la situation. On se retrouve avec des quantités d'eau contaminées parce qu'on essaie de refroidir ces réacteurs-là, mais là, on se ramasse avec des 100, on a au-dessus de quoi, de 150 000 tonnes d'eau contaminée. Donc, un paquet de situations comme ça qui se produisent, récriticalité, réactions en chaîne encore qui se produisent, ces trucs-là s'évaporent dans l'atmosphère à l'air libre. Et puis là, ben après ça, écoutez, vous avez des tatas, des sans-dessins, je veux dire, écoutez, il faut le dire, là, des idiots, des clowns, des bozos. Excusez-moi d'utiliser tous ces termes-là, mais je veux dire, à un moment donné, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, écoutez, des gens qui supportent encore le nucléaire comme s'il n'y en avait pas eu assez, là. Écoutez, à un moment donné, ces gens-là, il va falloir leur poser la question, là, c'est quoi, vous n'en avez pas déjà eu assez, là? C'est que c'est pas déjà assez. Donc, voilà, c'était mon petit laus pour terminer l'émission. Donc, moi, je vous quitte là-dessus. C'était tout pour cette semaine, chers auditeurs. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, c'était François Marginal pour tout le monde. 好似佢唔記得邊個係唐人街大佬啊！ 攞去就係三佢。